Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, épisode numéro 60. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux de mes co-hôtes. Du coup, je vais commencer avec la personne avec laquelle ça fait le plus longtemps que vous ne l'avez pas entendu, c'est Eddy. Salut Eddy. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut se dire encore bonne année ? Vu le nom. Peut-être pas. Ouais. C'est-à-dire que comme le podcast va sortir en juillet, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Non, on va essayer de monter un peu plus rapidement, mais ouais, effectivement. Ouais. Hein, non, mais oui, si tu y tiens, oui. Très bonne année à vous tous. Bonne année à toutes et tous. Voilà. Bon, vous avez l'habitude, hein, c'est les plannings de podcast, exactement. C'est ça. Sinon, à part ça, ça va bien ? Ouais. Nickel, parfait. Et du coup, deuxième côte, en la personne d'Adrien. Salut. Ouais, salut, salut tout le monde. Ça va bien ? Ça va super, et toi-même ? Ben, très bien, oui. Du coup, le dernier podcast qu'on a fait ensemble, c'était sur Halloween. Donc oui, ça remonte un petit peu. Voilà, du coup, on arrive avec le numéro 60, avec un bon programme. On avait prévu à la base, on en avait parlé déjà dans le dernier podcast, si vous l'aviez écouté, qu'on ferait un top de 2023. Malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau parce que c'était prévu, hein, tout était prévu, mais on s'est dit que c'était un peu trop tard là pour le faire. Donc, on a aborté Michel clairement. Voilà, exactement. Ça se reposait la question. Je me suis dit, j'ai aucun souvenir Michel. De la moitié des coups de mon top, j'ai aucun souvenir. je les revois tous. Je me disais, bon, vas-y, c'est mort, on va pas le. Ouais. Non mais il valait mieux faire ça et puis peut-être se garder ça pour 2024, ce sera peut-être plus judicieux. On aura un top 2023 et 2024. Ouais. Tu sais que j'avais même prévu, parce que ça fait depuis 2019 en fait, l'année 2019 qu'on n'a pas fait de top de l'année, donc je me disais en 2025 on pourra faire un top des 5 dernières années jusqu'à janvier 2030 et puis faisons un top de la décennie directement comme une, ça un film par an et basta quoi. On serait foutu de l'enregistrer en retard celui-là aussi. C'est possible encore. Hein. Donc voilà. Écoutez, très bien. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au programme de cette émission. Donc on va commencer avec un jeu. Tout d'abord, je vous présenterai après le concept du jeu et puis le principe et les règles, etc. Le thème de cette émission, il a été choisi par Eddy. On a trouvé que c'était un très bon thème et qu'on ça nous a parlé tout de suite à Adrien et moi-même. Mais personne ne sera étonné. Hein. Sur le fait que c'était un bon thème, je veux dire. Ah oui, franchement, c'est un très bon thème. Donc c'est les films à réhabiliter. J'ai appelé ça comme ça. Voilà. Tu m'avais dit le porno, moi. Et non, j'ai rien. Tu sais qu'on garde ça pour le 69, donc dans 9 minutes. Il est tellement dégoûté parce qu'il avait super bien bossé le sujet. Putain, j'ai vachement bossé, je vais devoir improviser. Ah, punaise, tu peux garder tes notes pour dans 9 numéros, tu sais. Hein, c'est... Je sais pas s'il avait pris beaucoup de notes. Hein. Un porno sous-estimé. Je suis sûr que ça existe en plus. Oui, c'est ouf. Ouais, écoute. Hein. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'était pour la. Ouais, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lance des vannes. et du coup, la dernière rubrique, ce sera nos minutes nerds. Donc voilà, comme d'habitude. Je crois que si tout est bon... Qui n'est toujours pas choisi, hein, d'ailleurs. Pour qui ? Pour toi ? En fait, le problème, c'est que j'en ai deux. Et il y en a une, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas. Donc il faut que je... Ah, ok. Moi, je n'ai pas choisi mon film sous-estimé, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Bon, on improvisera, vous verrez ça. J'ai pas choisi mon micro pour enregistrer encore. Je réfléchis. Oui, donc voilà, bah, on vous verrez bien de toute façon quand on y sera. Et bah, du coup, je pense qu'on peut passer à la première rubrique du podcast qui est le jeu. C'est parti. On est donc à la rubrique du jeu. Vous n'avez pas. C'était quoi ça? C'est moi. Ah oh, merde! C'est incroyable! C'est le meilleur. C'est le soundboard. La meilleure manière d'arriver sur cette rubrique, parce que ce que vous n'avez pas entendu, c'est 20 minutes de fiasco où j'ai essayé de faire jouer Eddie, Adrien. Bon, j'ai essayé de faire jouer pendant 5 minutes et puis on s'est bien rendu compte que c'était raté. Donc, bah, du coup, comme la dernière fois, on improvise un jeu entre les rubriques. Donc, ça va être comme la dernière fois. Dans quoi t'as joué, mais ça va être dans quoi, qu'est-ce que t'as réalisé, puisqu'on va faire avec les réalisateurs et réalisatrices, donc un ping-pong. Je vais donner un nom d'un réalisateur. Qu'est-ce que tu as commis selon le réalisateur aussi, c'est possible. Oui, aussi. C'est... bon, j'ai choisi normalement des réalisateurs, réalisateurs et réalisatrices assez bien aimés généralement, donc voilà. Consensuel. Voilà. Pour trancher avec la suite de l'émission. Exactement. bah, du coup, ce sera chacun son tour. Au premier, du coup, quand je vais donner le nom, le premier qui dit un titre prend la main, et puis ce sera au suivant de donner un autre titre, etc., jusqu'à ce qu'une personne sèche. Évidemment, je vous vois si vous êtes sur Wikipédia. Non, c'est pas vrai, mais votre honneur le voit. Donc, sur IMDB, ça va. Wikipédia, IMDB, tout ça. Hein. Voilà, on évite, ce sera un peu mieux. Sinon, la victoire est un peu sale, quoi. Oui. Non, de toute façon, tu nous entends taper au clavier au besoin. Donc, Voilà, exactement. Très bien, donc on va être parti sur un premier réalisateur. Je tape directement dans du... très classique. Steven Spielberg. Les Dents de la Mer. Jurassic Park. J'ai entendu Les Dents de la Mer en premier. Donc... non, Jurassic Park. Le Terminal. Le Monde Perdu. Il faut sauver le soldat Ryan. La Liste de Schindler. Artificial Intelligence. La Couleur Pourpre. E.T. Duel. Ouais. Something Evil. Le Bon Gros Géant. Attends, Something Evil. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un de ses premiers films. Je sors les trucs. Ah ouais, non, mais d'accord. Mais attends, t'es sûr, t'es pas sûr. Bah oui. Si, ça existe. Alors, par contre, si. Ok, on va laisser passer, je cherche. Vas-y. Est-ce que j'en ai un autre comme ça avec toi ouais. Bon, je le garde pour plus tard. Par contre, j'avais dit Le Bon Gros Géant. Ouais. Bah, Indiana Jones. Lequel? Ah oui, il y en a trois. Ah oui, pardon. On dit les titres entiers pour Indiana Jones. Ouais, mais... Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Alors, Indiana Jones et le Temple Perdu. Maudit, oui. Je sais plus. Ouais. Le deuxième, ouais, quoi. Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Bien, la Dernière Croisade. Voilà, comme ça, tout est fait. Voilà. Les Gardes des Mondes. Ready Player One. Le Pont des Espions. Pentagon Papers. Mm-hmm. Quoi? T'as dit quoi? Pentagon Papers. Ah oui, Pentagon Papers, oui, pardon. Oui, désolé, mon accent anglais est pas... The Post. Hook. Oui, Hook. Quoi d'autre? Si, je vais en avoir un autre. West Side Story. Ouais. Panique à la Maison Blanche. C'est lui, ça? Je suis sûr. Hein. Attends. Oui. C'est pareil, téléfilm, juste avant. Ah, mais des téléfilms, tu vas chercher loin. Mais c'est tout, c'est le seul qu'il a fait. C'est Chantage à Washington. Hein. Merde, Chantage à Washington. Ouais. Ok, bon, là pardon. Là, par contre, ah bah, tu t'es trompé, donc ouais. Bon, on va dire que ça arrête le jeu. Je suis tellement débile. Des trucs dont je suis pas sûr. Mais oui, pourquoi tu. Mais oui, il fallait aller dans les valeurs sûres. Les valeurs sûres, mais. Il n'y a aucune valeur sûre expliquée. Mais non, mais dans les trucs connus, quoi. Non, mais je sais. Non, je sais, c'est ma faute. Autant pour moi. Ouais, y a pas de souci. J'ai voulu faire le malin. Et du coup, Something Evil, c'est bien, ça existe, c'est bon. C'est validé. Hein. Donc, c'était, du coup, c'était Chantage à Washington ou Savage en anglais. Et là, je suis en train de me dire qu'il y en a qu'on n'a pas cité alors que ça avait été évident. Oui, bah, il y en a plein. C'est exactement comme De Funès la dernière fois. J'ai choisi de faire le malin plutôt que de répondre à tout le monde. C'est ça. Bon, bah, il y a Amistad. Amistad. Minority Report. Minority Report, mais oui. Lincoln, Cheval de Guerre. Ouais, Cheval de Guerre. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, peut-être. Rencontre du troisième type, oui, éventuellement, c'est juste un petit classique. Voilà. Hein. Et Tintin, oui, ça compte, oui. Tintin quand aussi, même. Ouais. Donc. Ça compte pour Spielberg et puis pour. Pour PG. Pour PG, ouais. Mmh, c'est ça. D'ailleurs, il. Ah, bah, et je pense que là, Alex, ça vient de lancer Ready Player One. Bah, quitte à parler de films surestimés. Sous-estimé, tu veux dire? Non, surestimé, je pense. Ouais. Oh, celui-là, un petit peu quand même. Moi, je le trouve ni surestimé ni sous-estimé. J'en ai juste marre de. En fait, j'en ai marre de le voir, ce film. Ah, ok. Moi, j'aime bien. Mais il est trop fan à la maison. C'est peut-être. Moi, t'enlèves les 10 dernières minutes et c'est très bien. C'est peut-être à la maison qu'il est surestimé parce que. J'avoue que. Ouais, non. Bref. Ouais, très bien. Donc j'ai gagné. T'as gagné un point, voilà. Merci, bonne soirée. On va passer à la suite. Il y en a 5 autres. Du coup, ça tombe bien qu'on ait parlé de. Rencontre du troisième type, puisque je vais vous citer un réalisateur bien de chez nous, François Truffaut. Ah, les 400 coups. Juliette Jim. La nuit américaine. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'aurais. Hein, donc, Ah ouais, mais là, moi Truffaut, je connais les plantes éventuellement. Mais... Il t'en faut un et t'as. Il m'en faut un et à tous les coups, j'ai gagné. Genre, c'est horrible. L'autre, il va nous sortir géranium. Hortensia. Oh, mais j'en ai acheté un en plus. Il y a une sur. Ah, je suis mauvais sur Truffaut. Le dernier métro, c'est pas Truffaut? C'est le dernier. C'est Truffaut. César de Murphy. Mais oui, avec Depardieu. Mais et... Non, c'est non, pas, Truffaut, pas du tout, c'est même américain. Non, mais non, je me doute. Hein, mais c'est... Je suis très mauvais sur tous les artistes de la nouvelle vague. Là, Moi, ça dépend lesquels. Tu me dis Godard, je fais un grand chelem. Non, mais Godard, là, c'est même pas. J'ai hésité, mais je me suis dit François Truffaut, c'est peut-être un peu. Il m'a toujours paru tellement antipathique, j'ai jamais eu envie de voir. Bon, j'ai gagné là du coup. Oui, tu as un point. Oui, là, clairement, oui. Allez, j'ai gagné sur Truffaut, mon père. Très bien. Bon, c'est pas une victoire non plus incroyable. Non, c'est clair. C'est vraiment uniquement parce que je l'ai acheté chez Gilbert Joseph et que je l'ai. Non, mais voilà, la peau douce, la mariée était en noir, baiser volé. Laisse tomber. Non, mais on est vraiment des cinéphiles de. Non, mais c'est pas grave. Hein. Il n'y a aucun jugement. Hein, vraiment. Le problème, c'est que quand je tape Truffaut sur Internet, il me met des plantes. Ah, oui, mais du coup, il faut mettre François devant ça. Faut mettre François, c'est mieux. Ouais. Truffaut, site officiel. Eh ben non, c'est pas le bon. Très bien. On va passer, du coup, de l'autre côté de la Manche. Non, pas du tout. De l'Atlantique. Avec une réalisatrice, Catherine Bigelow. Zero Dark Thirty. Des mineurs. Ouais. Truc point là, pas match point, l'autre point break. Et bah mince, parce que je crois. Elle en a fait d'autres? Ouais, oui, j'ai... Elle en a pas fait beaucoup, hein, Catherine? Elle en a fait une dizaine. Elle en a fait une dizaine? Non, je peux pas. Moi j'aurais pas non plus. Hein. C'est... Non. Ok. Donc c'est... Ça sert à rien, j'essaie de chercher, je vois. C'est Eddie Cal, c'est moi. Point. Il y avait Strange Days, K19, D3. Le poids de l'eau. Ouais, pff, voilà. J'ai pas tout ça. Non, moi j'ai avec eux. Là, j'ai vu que Zero Dark Thirty. Moi, si je suis honnête, j'avais ce que vous avez cité et K19, et après j'aurais pas su non plus. Donc voilà. Très bien, on va passer à. Non, celui-là je le garde pour mon dernier. Guillermo del Toro. Ah, le labyrinthe de Pan. J'ai entendu Eddie en plein. Ok, ça marche. La forme de l'eau. Crimson Peak. Nightmare Alley. Guillermo del Toro. Pacific Rim. Mm-hmm. Mimic, même si dans les faits c'est pas trop lui qui l'a fait, mais je le compte. Il a pas fait des séries aussi? Cabinet de curiosité, c'est pas lui? Est-ce que je compte... Allez, je compte les séries, mais je vais vérifier parce que je ne connais pas du tout. Mais je vais gagner quand même, de toute façon. Mais ouais, je pense que tu vas gagner, oui. Nightmare Alley, j'ai déjà oui, dit. Tu, déjà tu l'as dit, déjà dit, oui. Alors, par contre, si tu donnes deux fois... Pardon, désolé, bah, c'est sûr, c'est les chiens du diable. Ouais. Oui, Cabinet de curiosité, c'est... Oui, c'est ce qu'il a sorti sur Netflix, je crois. Ouais, ouais, je crois. Ouais. Mais non, Alley, je ne l'ai pas vu encore. Ce, tu arrêtes, Eddie? Bah, j'aurais pas... non, j'aurais pas, je pense pas. Bah go, moi je dis quand même Hellboy, Hellboy 2. Ah oui, il est Hellboy, et, bah oui. Et Blade 2 aussi. Blade ah 2, oui, c'est lui, Blade. Ouais. Le 2 uniquement. Et il okay. y a son dernier Pinocchio aussi. Et Chronos. Chronos, voilà. Ouais, tu vois, j'aurais pas vu. C'est pas un réel que je connais beaucoup. Enfin, je connais, mais il y a beaucoup de ses films finalement que j'aime pas trop. Ok, très bien. Bah du coup, on est à deux partout. Et on va donc l'avant-dernier, bon, Joe Dante. Gremlins. Gremlins 2, la nouvelle génération. Les Goonies. C'est lui non, ça non? C'est pas lui. C'est pas lui. Bon, là, je me suis non, c'est Richard Fleischer les Goonies. Ah d'accord, bah tu vois, j'aurais pas. Tu t'en aurais pas eu un. Et bah moi j'en dis d'autres. Small Soldiers. Ouais. L'aventure intérieure. Ouais. Mais ça, tu vois, tout ça, j'ai pas. C'est, tu fais partie de tous ces films des années 80 que j'ai plus. Il y a aussi L'Enfer, hein, tu l'as. Oui. Il y a le premier Piranha, il y a Hurlement, il y a The Burbs, les oui. banlieusards, qui est avec Tom Hanks, incroyable. Ah, Hurlement, c'est lui aussi? Oui. D'accord. Mais non, mais je les Looney Tunes passent à l'action. Enfin, voilà quoi. Ouais, mais les classiques. Non, tout, vraiment, j'aime beaucoup tous ces films sauf Looney Tunes passent à l'action, malheureusement. Alors, et ben, bon, du coup, Adrien a le troisième point. Donc, et là, j'ai choisi de garder le dernier gros morceau pour la fin. C'est sans jeu de mots, hein, évidemment. C'est Alfred Hitchcock. Les oiseaux. Sans jeu de mots, il dit. Non, mais jeune et innocent. Je voulais pas faire de jeu de mots là-dessus. Mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Jeune et innocent, j'ai dit. La loi du silence. Un agent secret. North by Northwest, là, je sais plus comment oui, ça. Oui, tu peux le dire en anglais, pas de souci. Je l'ai plus. L'amour autrui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en anglais, en français. Mais ouais. Une femme disparaît. Vertigo. Psychose. La corde. Ah, j'allais dire la corde. L'étau. Fenêtre sur cour. Ouais. Le rideau déchiré. Rebecca. Complot de famille. Marnie. Marnie, je ouais, sais ouais, quoi. Ouais, il y a un sujet avec Marnie. Pas de printemps pour Marnie. Oui, pas de printemps pour Marnie, c'est ça. Je suis allé dire. Qui a tué Harry? Mais non, Eddie, trouve plus, pourtant il y en a un. Ouais. Mais je crois que j'ai épuisé ceux que j'ai vus, en fait, surtout. Non, j'aurais pas. T'auras pas non, bah, l'homme qui en savait trop. Ouais, ouais, ouais. C'est ceux qui s'en sont rendus. Le crime était presque parfait. Ah, mais oui! Putain, je suis dégoûté! L'inconnu du Nord Express. Ah, il est tellement bien, en plus, le crime était presque parfait, j'adore. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, ah merde! Boat, enfin, la mise en scène de ouf qui me revient en tête, là, en plus d'un coup. Il y en a énormément, Notorious aussi. Enfin bref. Il y en a merde. Plein, mais voilà. Et t'as remarqué que cette fois, ma stratégie de niche au début a marché? Ben, ouais, enfin, ouais. C'était pas hyper flagrant au départ. Hein. Mais t'as dit quand même psychose. Oui, j'ai dit on a été loin à sortir. Parce que j'avais que 3 trucs de niche, parce que c'est le coffret Blu-ray que j'ai acheté récemment, mais tout le reste, j'avais que les trucs connus. Du coup, t'avais beaucoup été aidé par les coffrets Blu-ray que t'as récemment acheté. Oui, clairement. Donc, j'en ai vu un aujourd'hui qui était pas terrible. Ah. Mais bon, ça va, ça a été un match plus ou moins. Oui, franchement, c'est 4-2, c'est très honnête et vous êtes bien battu. Et du coup, c'est Adrien qui prend sa revanche un peu de la dernière fois. Et bah, vive la France! Voilà. Vive la France. Exactement. Et bah, du coup, voilà, on a fini le jeu. J'espère que ça vous a plu. Bon, malheureusement, j'avais. Moi, j'ai particulièrement aimé l'écoute des chansons. refaite par l'intelligence artificielle, j'ai trouvé c'est très vrai, concluant comme essai. Ouais, c'est vrai qu'on a et que j'ai pas expliqué ce que normalement il était censé arriver comme jeu. J'étais défaite par l'intelligence artificielle. Un petit peu ça, ouais, j'avais vraiment beaucoup taf. L'intelligence artificielle a eu raison de nous, preuve du danger que ça représente en fait. Exactement. Donc ouais, j'avais vraiment beaucoup bossé ce jeu. Malheureusement, c'est tombé à l'eau, donc voilà, on a fallu improviser. On a improvisé comme on pouvait, mais c'était très bien. Vous êtes très bien défendu. Mais on salue on salue quand même l'implication d'Axel dans ce podcast, ouais. Qui fait des choses qui ne fonctionnent pas, mais l'intention est là. L'intention est très là, parce que vraiment, j'ai passé les derniers soirs à faire ça, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pour le jeu, c'est pas grave. Très bien. Donc, on a fini avec la rubrique du jeu et on va pouvoir passer au thème. C'est parti. On est donc à la rubrique du thème. Et cette fois-ci, du coup, c'est le thème les films à réhabiliter. C'est un thème qui a été proposé par Eddy. Est-ce que si je te demande de commencer, ça te va, Eddy ? Ouais. Oui, du coup, on a chacun un film dont on va parler, et puis on va évidemment discuter ensemble sur les trois films qu'on a choisi pour ce thème. Donc, Eddy, je te laisse commencer. Bah, alors c'est vrai qu'en off on a eu quelques, notamment Adrien nous a posé des questions sur le choix du film, et c'est vrai que c'était pas évident parce que l'idée c'était pas forcément de prendre un film que les gens n'aiment pas ou qui n'a pas marché, mais l'idée c'était plus de parler d'un film qui peut avoir ou non du succès, mais qui en gros est décrié ou qu'on a tendance à mal cataloguer, quoi, entre guillemets, par rapport à notre point de vue personnel, en tout cas. Peut-être juste pas assez cité comme un film intéressant ou dans les références, on va dire. En gros, un film qui n'est pas jugé à sa juste valeur, c'est ça. Quoi, en gros. Donc voilà, donc moi j'ai pas été hyper inspiré, j'avais évoqué, en off, j'avais évoqué par exemple... Avatar ou Cloud Atlas. Pour moi, Cloud Atlas, c'est vraiment un cas d'école. Quand on en avait parlé en off avec Eddie, et quand il a cité Cloud Atlas, je me suis dit, ah merde, putain, c'est tellement parfait. Mais j'ai pas choisi. Enfin, par peur que tu l'aies choisi. Mais rien n'empêche de, voilà, si c'est truc, voilà. Si ça nous plaît de le faire et d'en refaire plus tard, rien n'empêche de parler de ce film de là un jour, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire. Oui, clairement. Donc moi non, j'ai pas été très original, j'ai pris Le Monde Perdu de Steven Spielberg. Très bien. Parce que j'estime que c'est une bonne suite, qui arrive surtout après deux tournages compliqués et qui a des défauts, mais qui a aussi des vraies qualités, je trouve, en fait, en termes de mise en scène. Et c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à... On le compare évidemment trop à Jurassic Park, du coup. Mais... ce qui est évident, mais même en ayant en tête ce qu'est Jurassic Park, je ne trouve pas en fait que Le Monde Perdu soit un mauvais film ou une mauvaise suite, quoi. Ah oui, non, clairement. Donc voilà, moi je voulais parler de ce film-là, parce que je trouvais qu'il y avait des qualités de mise en scène évidentes. Ouais, il y a des scènes marquantes, vraiment. Bah oui, quand même. Il y a toute la scène de la caravane, pour moi, avec les deux T-Rex et tout. Après, je me rappelle que quand on avait fait on avait dû faire un hors-série sur podcast hors-série. Jurassic World. De Jurassic Donc World. Ça va bientôt faire 10 ans. Voilà. Pour remettre en perspective. Voilà. Ah bah oui, notre podcast a de l'âge. Ouais, totalement, là. Et du coup, je me rappelle qu'Axel, t'avais dû sortir un truc qui était assez assez vrai, bon, comme souvent, hein, d'ailleurs, hein, t'as pas tendance à raconter de la merde quand même. C'est gentil. Non, mais t'avais dit, c'est un peu la suite bigger, je sais plus quoi. Bigger, better, stronger. L'expression bien américaine. Ouais. Comment? Bigger, better, stronger, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il a un peu de ça, et bien sûr. Il y a plus de dinosaures, il y a plus de scènes d'action, il y a plus de... T'es sûr, voilà, que j'ai dit un truc aussi intelligent, ça me ressemble pas trop. Moi, j'avais trouvé ça pertinent, okay. Et je trouve que ça l'est toujours. Très bien. Et c'est vrai que oui, le film a effectivement des défauts. Il est peut-être un peu trop axé sur l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va vraiment plus aller sur voilà, il faut que ça pète, il faut que ça soit archi divertissant. Mm. Et quand on compare à Jurassic Park, qui est un film finalement presque plus terre à terre en fait, parce que les scènes d'action sont finalement assez peu nombreuses. Oui, et oui. Le film brille plus par sa technique, en fait, sur la durée que sur certaines scènes qui vont vraiment marquer, même si ces scènes-là marquent vraiment dans le premier. Et dans le deuxième, on est plus sur l'inverse, en fait. Et on est sur du film plus sombre aussi, hein, clairement. Plus sombre. Ah oui. Ah oui, avec une violence beaucoup plus directe. Ouais. Bah, juste le début du film. Voilà, le début du film avec la petite fille, le pauvre Eddie Carr qui se fait clairement démembrer à la caméra et qui se transforme en snack pour T-Rex du coup et la mort horrible de cet acteur qui joue dans Armageddon, que j'ai retenu que dans Armageddon, mais c'est horrible. Attends, ouais, j'ai aussi un trou de mémoire là. Oh oui, si, je suis très monsieur important, putain, j'ai plus son nom. Carter, ouais, dans le film, ouais. Qui se fait tuer par les tout petits dinos, là, les compis, là. Et elle est assez horrible, cette scène aussi. Et du coup, il y a plein d'éléments comme ça qui marquent, mais c'est vrai que le film. Effectivement, oui, on peut pas le mettre sur le même piédestal que Jurassic Park, je trouve, parce qu'il révolutionne moins les choses, en fait. Mais c'est pas en soi un mauvais film. Et quand je vois qu'on me dit que c'est même un bon nom, c'est même pas un bon Spielberg, bah, je suis pas d'accord. Je trouve que Spielberg a fait des choses moins bonnes que ça, notamment récemment sur certains trucs. Mm. Et non, je suis pas d'accord. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de réhabiliter ça et de n'évoquer un peu, tout ce que le film a de bon, donc sa mise en scène, ses effets spéciaux, son scénario qui est simple mais qui est tout à fait en lien avec le premier et avec l'esprit en fait de la saga, parce qu'en fait ça se confirme finalement dans les films qui sont sortis depuis. Ouais, mais sachant que c'était aussi une adaptation de Crichton, hein. Enfin Crichton a écrit. Alors oui et non, ouais. Parce qu'en fait il est hyper éloigné, ouais. Pour le coup, autant Jurassic Park est assez proche du roman d'origine, même si ça a été il y a des choix qui ont été faits pour en faire un film un petit peu plus grand public et puis le rendre un peu plus vendeur, parce que c'est vrai que c'est... Le roman de Crichton est très bien, mais ça reste quelque chose de plus scientifique, un peu plus sombre et tout. Et en fait, Le Monde Perdu, donc qui est la suite, que d'ailleurs pour l'anecdote, je crois que c'est Spielberg qui avait dit à Crichton, t'as pas envie d'écrire une suite parce que clairement il y a moyen et en gros s'il écrivait une suite, c'était lui qui l'adaptait. Ouais. Ce qui s'est passé et c'est vrai que le roman est totalement différent. Du film, donc ça se passe bien sur la même île que dans le roman, donc sur la deuxième île où Ingen crée les dinosaures avant de les envoyer sur le parc qui est sur l'autre île. Donc on est bien sur Isla Sorna, oui. Du coup on n'est pas sur Isla Nublar, et l'idée, il y a toujours cette idée de base d'aller chercher quelqu'un sur l'île qui est en gros pas perdu comme dans le 3, mais qui est potentiellement en danger sur cette île, et Spielberg lui va rajouter le fait que la société donc qui détenait Jurassic Park va vouloir essayer de se renflouer en amenant des dinosaures sur le continent, en créant un parc sur le continent. Ouais. Et je trouve que ça, en fait, c'est assez malin, même si c'est pas dans le roman, je trouve que ça donne vraiment suite, ouais, au premier. Et ça donne lieu à une scène de fin plutôt épique. Et toute la scène à San Diego avec le, ouais, T-Rex, oui, il y a des vrais hommages. Et puis c'est un film qui est beaucoup dans l'hommage à plein d'autres, à plein d'autres œuvres, à King Kong notamment, beaucoup. Ouais. Et y a quelque chose que je trouve assez poétique là-dedans, c'est que dans le premier, donc John Hammond, qui est le créateur de Jurassic Park et le patron de InGen, lui, il est dans le film, et je précise bien dans le film et pas dans le roman. Dans le roman, il est beaucoup moins sympathique, mais dans le film, il est vraiment muet par une volonté de merveilleux, en fait. Ouais. On a ramené ces animaux à la vie, alors effectivement, on se pose pas trop de questions en termes d'éthique, mais on n'en saisit que le côté merveilleux, un peu comme le spectateur, en fait. Et du coup, ça rend le personnage sympathique, d'une certaine manière, alors que là, dans le deuxième, celui qui gère la société InGen, c'est un pur capitaliste véreux, et en fait, ça démontre bien que bah, que l'homme, de toute façon, est, enfin, voilà, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est... peu importe qu'on parle de vivant ou de créature qu'on ramène à la vie, enfin voilà, la phrase du film, c'est une espèce disparue ramenée à la vie n'a aucun droit. Mmh. Et effectivement, dans le film, ça fait sens parce qu'en fait, c'est eux qui les ont créés, qui les ont ramenés à la vie. Ouais. Donc, c'est eux qui ont des droits sur ces animaux, sauf qu'en fait, ces animaux sont des... Bah, sur leur île, c'est eux les chefs, quoi. C'est les... Ils vivent en autarcie. Et d'ailleurs, le film, le début du film montre que les dinos n'ont pas besoin de l'homme pour survivre sur cette île, et la fin le montrera aussi. Quand on nous dit, mais ils n'ont pas besoin de notre présence du tout, en fait. Oui, oui, totalement. Et donc, il y a toute cette dimension aussi sur le capitalisme humain vis-à-vis de la nature, qui cherche toujours à contrôler la nature, même quand cette dernière trouve son chemin et lui échappe. Et puis justement, toute cette nature qui finalement n'a pas du tout besoin de nous pour survivre. Donc ça peut faire écho à ce qu'on vit aujourd'hui, ou quand on voit des slogans du style « il faut sauver la planète », alors oui, il faut nous sauver, en fait, parce que la planète nous survivra. Ce qui est dégueulasse actuellement, c'est tous ceux qu'on entraîne avec nous dans notre chute, en fait. Ouais. Voilà, parce que la planète, elle est là depuis tant d'années, enfin tant de millions d'années, de milliards d'années même, et elle s'en sort très bien, et... Il y a des extinctions de masse, on en a déjà eu. Les dinosaures en sont une preuve, et elle nous survit. Mais aujourd'hui, c'est nous qu'il faut sauver pour éviter qu'on foute en l'air tout ce qui gravite autour de nous, tous les écosystèmes qu'on met en l'air actuellement. Et je trouve que le film fait un petit peu de lien avec ça. Totalement. Voilà. Et... Donc je trouve que même en 2024, c'est un film qui ne perd rien en fait de son de sa dimension philosophique là-dessus. Qui est encore plus actuel maintenant qu'en 97. Et en plus, Steven Spielberg, ce film, il le fait après une longue pause, quoi. Puisque... Une longue pause et puis deux tournages très éprouvants, parce que c'est toi qui m'en parlais en off, mais c'est vrai que oui, il y a Jurassic Park et l'Isle de Schindler qui sort en 93. Voilà. Donc il a fait en simultané, quasiment. Deux films majeurs dans cette film. Et en 97, il fait Le Monde Perdu et Amistad aussi. C'est deux gros films par année, quoi. Mais une longue pause entre, parce que je pense qu'il y en avait besoin. Et du coup, il était un peu attendu aussi, Le Monde Perdu. Comme le retour de Spielberg. De toute façon, une suite à Jurassic Park était attendue, je pense, à partir du moment où c'était déjà annoncé. Une suite en fait, le premier avait été une telle révolution. C'est ça, déjà une suite à Jurassic Park, mais en plus, le retour de Spielberg à la réalisation. C'est quand même 4 ans qu'il n'avait pas réalisé, donc il était attendu au tournant un peu, et je pense que du coup, le fait, il a été vu comme plus faible, ce qui, objectivement, est un peu le cas, mais c'est pas non plus... c'est pas un mauvais film. C'était impossible de recréer l'émerveillement du premier. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de constant, en fait, dans la saga après le premier. C'est, je veux dire, même Colin Trevorrow, quand il fait Jurassic World, il y va tout en sachant que tu ne pourras pas recréer en fait, ce sentiment-là. Ouais. Il pourra jouer sur la nostalgie, mais il ne pourra pas amener ce que Spielberg a réussi à faire. Ce qui est évident, parce que c'est Spielberg qui a inventé... Le blockbuster moderne, en quelque sorte, avec ce film-là. C'est clair. George Lucas le dit lui-même. Lui, il est quand même... dans le domaine du blockbuster, il touche sa bille aussi. Ouais. Donc, du coup, légèrement. Et c'est vrai que Le Monde Perdu, j'ai même lu des critiques qui disaient Spielberg a inventé le blockbuster et a signé son arrêt avec Le Monde Perdu. Mais c'est pas possible de dire des trucs comme ça, quoi. C'est un peu gros. Je veux dire, si tous les blockbusters actuels étaient au niveau du Monde Perdu, ça m'irait parfaitement. Clairement. Voilà. Il y a pas de souci. Ouais. Hein. Et puis, donc voilà. Je voulais juste encore dire que il y a aussi le fait qu'ils aient le personnage principal maintenant, c'est un personnage qui était secondaire dans le premier film, un personnage qui était un peu ce qui est cohérent avec le roman, oui totalement, parce que c'est aussi lui qui est dans le deuxième, c'est Malcolm qui revient, un personnage un peu, je sais pas, comic relief, mais un petit peu parfois, et puis qui est un, mais il a ce côté pince sans rire, en voilà. Fait. Mais il y a aussi tout l'aspect paternel qui est très beau dans le film, je trouve, et qui est un peu... Ah oui, parce que c'est pareil, là, on a, en fait, c'est le film, il y a un petit peu ce fait de jouer en miroir avec le premier, mais tout en inversant les rôles. C'est que dans le premier, Sam Neill joue un paléontologue absorbé par son travail, mais qui n'aime pas les enfants, et qui va finir par apprécier les enfants. Mais qui à la base n'aime pas les enfants, et Jeff Goldblum lui au contraire, lui il est plutôt il est plutôt du genre à avoir une mariée dans chaque corps et à avoir autant d'enfants quoi. Lui il adore les enfants et voilà, et du coup il y a sa fille dans le film. Bon, qui donne pas forcément lieu à la meilleure scène du film avec les raptors mais la scène de gym. Oui, c'est sûr. Mais la réplique de Malcolm est drôle à la fin, mais la scène est pas ouf. Donc voilà, donc c'est ça en fait. C'est ce que l'idée de ce type de podcast, c'était effectivement de reconnaître que les films peuvent, ces films-là ont des défauts, mais que ce sont pas les purges qu'on essaierait de nous vendre. Ouais. Adrien, toi, voilà. Monde perdu, t'as une opinion Moi, je ris d'avance. J'hésite à dire parce que je trouve que ce que dit Eddie est plein de bon sens et si on parlait d'un film que moi j'adorais avec les gens des Grigrèges, j'en parlerais pareil. Oui. Donc il y a pas. Moi je trouve que voilà, je j'aime pas du tout. Je suis déjà pas très fan du premier. Hein, pour être mais voilà donc bon. Voilà donc mon ça, avis sur le c'est sujet. C'est une histoire d'appréciation dans le cadre de la discussion de base. Qu'on a. Oui bien sûr. Ouais voilà je pense que dans le cadre de la discussion qu'on a, mon avis sur le sujet est pas. Non évidemment non mais je demandais. Hein. Mais c'est pour ça que je mettais un point d'honneur à dire selon nos propres avis aussi. Ouais. Oui, c'est tout à voilà. C'est totalement subjectif. J'essaie d'y amener quelque chose d'objectif parce qu'il y a des qualités évidentes. Dire que quand t'aimes ou pas Spielberg, c'est vrai qu'il c'est nier que Spielberg sait tenir une caméra, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est pas du voilà, mais je veux dire, mais c'est parfois voilà, c'est ce qu'on peut dire quoi. Si je dois préciser un peu, il y a rien dans le film qui moi m'attire. Bah oui. Je m'en fous de ce type de SF, je m'en fous des dinosaures, je m'en fous de. Oui, voilà, c'est pas fait pour toi. Je trouve que voilà, on a ajouté des personnages secondaires, on est avec des enfants qui sont vraiment. Pour moi, c'est la limite du supportable, mais. C'est vrai que c'est un film qui est souvent cité comme un Spielberg mineur. Moi, je trouve que c'est vrai. C'est un Spielberg majeur pour autant. Hein. Ouais, voilà, moi je trouve que c'est vrai, que c'est pas un. Il y a des grands Spielberg, c'est pas parce que je suis pas très fan que je le nie, hein. Je trouve que Minority Report, ou Le Terminal, pour moi, c'est vraiment des très très grands Spielberg. Voilà, après, bon, le monde perdu, ça se regarde sans déplaisir, mais c'est pas. Voilà, je voulais pas te mettre dans une position inconfortable, pas du tout, hein. C'est pas ça, c'est juste que je veux Et je comprends totalement, et c'est pas du tout le. J'ai bien compris que le but du jeu, c'était pas de dire. C'est pas du tout le. Non, pas du tout. Après, après voilà c'est le but de le faire en commun tous les trois c'est aussi par exemple par contre si t'es vraiment pas d'accord et que tu pour toi c'est une sombre purge tu peux le dire aussi hein j'en suis pas là c'est juste que ça me parle tellement pas que c'est ça en fait là on ressent c'est bien compliqué pour moi d'analyser objectivement ça vraiment, c'est pas du tout. C'est anecdotique quoi pour toi. Non, pour moi, c'est juste, c'est pas du tout le cinéma que j'aime, en fait. C'est pas que c'est anecdotique, c'est que pour moi, je dis ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pas contre le film. Je dis que pour moi, ça ne représente pas d'intérêt. Il y a rien qui m'accroche au film. Ouais, moi je dirais que c'est, je sais pas si c'est le cinéma, enfin si c'est le cinéma que j'aime, mais c'est surtout le cinéma avec lequel j'ai grandi, en fait. Oui, non, mais ça c'est. Donc je pense que c'est pour ça que c'est le cinéma que j'aime aussi. Oui, bah bien sûr, ça se discute pas. Il y a plein de trucs avec lesquels j'ai grandi. Même si, quand même, pour moi, Jurassic Park, oui, alors oui, les dinosaures sont là, font partie du truc, évident. Mais ça va plus loin que ça. Oui, mais Jurassic Park, comme tu dis, que j'aime ou que j'aime pas, c'est ça. C'est vrai qu'il a inventé le divertissement moderne. Ah oui, non, mais je veux dire, en termes de thématique, pour moi, les dinosaures, c'est. Là, c'est les dinosaures, si tu veux. Mais ça parle surtout de la génétique, en fait. À mes yeux, en tout cas. De la génétique, de la vie trouve toujours un chemin. C'est plus éloigné de films un peu plus, entre guillemets, un peu moins divertissants comme Schindler. Les thématiques sont pas complètement éloignées. Ah bah non, non, non, bah non, de toute façon, Spielberg... Mais voilà, moi, c'est, disons que cette manière de m'y arriver... Il y a des constantes dans sa filmographie, et je pense que... Ouais. Je pense que c'est pas pour rien, en fait, qu'il a fait... Que c'est un sujet qui lui a parlé aussi. Très bien. Par contre, c'est un auteur, et c'est tout, et c'est complètement un film de l'auteur en question. Moi, j'ai pas de difficulté à dire. Ça, c'est sûr. Quand tu vois, même quand tu vois Le Monde Perdu, tu sais que c'est un Spielberg. C'est ça, c'est pour ça que je veux pas dire anecdotique, parce que anecdotique, c'est un truc qui ressemble à d'autres trucs. Oui, là, c'est pas ça, oui, ça non, c'est, oui, effectivement, oui, c'est pas le bon. Ouais. Là, ça, c'est pas un film générique. Mais, ça, c'est ça, c'est exactement ça, c'est bon, je cherchais, c'est pas générique. Voilà. C'est vrai que c'est mieux ça que les trucs qu'on a vus, pas forcément récemment, parce que moi, j'aime pas non plus dire que Blockbuster d'aujourd'hui est nul et que le précédent et que ceux d'avant c'était génial. En fait, je pense que le problème avec aujourd'hui, c'est que quand un film comme le Monde Perdu sortait, c'est que déjà c'était plus rare parce qu'il y avait moins de films qui sortaient quand même. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les plateformes et tout, il y a par exemple, je pense à Netflix, je trouve quand même qu'ils ont tendance à. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en fait. Oui, la production. Il y a une certaine uniformisation en fait du blockbuster. Ouais, moi c'est parce qu'il y a plus de films. Que Marvel a instauré un peu hein, aussi. Hein. Oui, bien sûr. Moi je pense que c'est parce qu'il y a plus de films tout simplement parce que. C'est ça. Je trouve que. Il y a trop de comparaisons possibles en fait. Ouais, en lien avec le film dont je vais parler moi, je trouve pas que No Time to Die soit ressemble à un autre truc qu'on a vu la même année. Oui, bah oui, après c'est pareil, je veux dire Sam Mendes c'est un auteur aussi. Non mais c'est pas précisément No Time to Die, c'était pas lui justement. Ah c'était pas lui ? C'était c'était Kori Fukunaga. Ah d'accord, pardon. Bah tu vois, tant pour moi. Et voilà, très renseigné. Voilà, donc en fait pour moi ça dépend, je trouve que plus il y a de films, plus il y a de standards. Ouais. Ce que je veux dire, c'est-à-dire quand on est un système de production quasiment à la chaîne, forcément les choses vont se sembler les plus les unes aux autres. Ouais, mais voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que dans le blockbuster d'aujourd'hui, j'allais dire post-Marvel, parce que moi je pense qu'on est dans le post-Marvel, hein, mais je pense pas qu'on soit encore dans Marvel. Non, ça se termine. Et c'est vrai que voilà, il y a des trucs complètement absurdes qui arrivent encore à sortir, des trucs qui sont pas finis, comme le Flash de Muschietti par exemple, Madame Web là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça que je pensais. Madame Web ou même Morbius, pour rester dans le même univers, c'est des films qui sont complètement standardisés et anecdotiques. C'est ça. Et moi, quelque part, je préfère voir limite une giga purge comme le Flash de Muschietti. Qui au moins a le mérite de ressembler à rien tellement il est claqué, on va dire. Ah oui, plutôt que de voir Morbius ou Madame Web. Donc, dans le contexte de l'époque du Monde Perdu, par exemple, je pense que en fait, les blockbusters qui pouvaient être comme ça, de blockbusters de SF ou de. En fait, étaient moins standardisés parce qu'il y avait moins de films dans ce genre-là, en fait. Ouais. Parce que Jurassic Park, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était sorti. Donc, ce que Jurassic Park a défini, bon, c'était encore, il y a certains réalisateurs qui faisaient encore leurs armes, en fait, sur ce genre de film-là. Je pense que ce qui était un petit peu plus standardisé à l'époque, même s'il y a de très bons films à cette époque-là, c'était par exemple les films d'action. Un peu comme Speed ou True Lies ou tous ces trucs-là qui sont très bons, hein, les pièges de cristal, tous ces films-là qui sont très bien. Moi, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup revoir. Mais je pense que c'est peut-être plus sur ce genre-là, en fait, à l'époque où c'était un chouïa plus standardisé avec des pépites. Ouais, mais je suis pas sûr parce que. Mais c'est pour ça que je nuance, hein, pas tous, mais je pense que tu vois, aujourd'hui, ça s'est décalé, en fait. Il y a eu le film d'horreur, par exemple, a eu une période beaucoup plus standardisée aussi. C'est ce que j'allais dire, pour parler d'un truc que je connais, peut-être que je connais un peu mieux que les films d'action. Encore, parce que moi, je trouve que précisément les films d'action, pour moi, justement, Die Hard ne ressemble pas du tout à True Lies, qui ressemble pas du tout mais en même temps, c'est pas les mêmes personnes qui les font. L'histoire se souvient des gagnants, on va dire. C'est aussi. Ouais. Mais par contre, effectivement, le film d'horreur dans les années 80 et 90, pour parler de ce sujet-là, là, pour le coup, on peut parler standardisation. Enfin, c'est que moi, je me rappelle beaucoup de DVD que mon beau-père avait. Mais bien sûr, c'est avec beaucoup de films, tu sais, avec Steven Seagal, ces trucs comme ça. Et qu'en fait, c'était assez générique, en fait. Et dans les films d'horreur, enfin, la décennie 90, c'est du slasher à Pierre Larigot. Post-crime, en fait. C'est ce qui mène à Scream, oui, en fait. Oui, ce qui mène à Scream, parce que Scream réinvente. Et après, il y a eu la deuxième période. Parce que Scream a... ouais. Il y a eu encore plus de générique. Craven, qui aimait pas tellement les films d'horreur, contrairement à ce qu'on peut penser, a réalisé Scream justement parce que le slasher c'était devenu n'importe quoi. Eh ben tu vois, je trouve que ouais. Scream, c'est un film qui aurait pu avoir sa place ici en fait, d'une certaine manière. Ah, peut-être pas le premier, moi. Le quatrième, par exemple, ouais. A vraiment fait débat. Hein. Moi, je trouve que c'est génial, mais il a vraiment fait débat. Ouais, le quatrième aurait peut-être plus sa place, ouais. C'est... ouais. Moi, j'adore le 4. Pareil. Honnêtement, ouais, je le trouve très convaincant. C'est top 1 en fait. Pour moi. C'est top 1 pour ça. Meilleur que le premier, tu veux. Ouais. Ah oui, ah, non. Je trouve ça vachement bien. Ouais. Alors que le 5. Oui, bon, du coup, on va. Ouais, on en reparlera parce que moi, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que c'est. Tu vois, c'est. Ben voilà, donc c'est le genre de film, ouais, qui s'y prête, ça, pour le coup. C'est clair. Ouais. Du coup, on va enchaîner avec toi, Adrien. Tu avais commencé un petit peu à parler. Oui, je pense que la transition était bien amenée. Ouais. C'est pas de celui-là dont j'ai parlé. Voilà, exactement. Mais je t'en prie. Moi, je vais vous parler d'un film dont la suffisance complexée est assez dégoûtante. Oh putain. Un film avec un... Le gars tout de suite arrive avec son déchet. Ouais. Un film avec un bad guy de pacotille, une photo sous-exposée avec qui appelle le sommeil, un bad guy, un récit sans peps et des scènes d'action fonctionnelles. Okay. Un récit dont les rouages scénaristiques sont pensés pour distraire le regard des grosses ficelles. Bref, un film qui ne mérite qu'une seule chose, un permis d'ignorer. Bon, ça c'est pas mes mots. Ouais. C'est des mots de la crise. Ce qui est très bien, c'est qu'il. Ouais, c'est... Voilà, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est très bien, c'est que là, on remarque pas du tout qu'il est en train de dire quelque chose. Ouais, mais là, j'étais obligé. Oui. Parce que c'est pas mes mots. Et je voulais citer. C'est les mots de la critique française au moment où Spectre de Sam Mendes est sorti. Là, j'ai cité Belmel, Les Cahiers du Cinéma, L'Obs, Libération ou encore Le Monde. Donc, on n'est pas sur des petits journaux ou des petits blogs. On est sur des trucs qui étaient très lus. Ouais, enfin, c'est bien pompeux quand même. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça complètement dingue de relire ça, mais je l'avais déjà lu à l'époque, je me suis déjà rendu compte à l'époque, parce que pour moi, s'il y a un film James Bond sorti depuis facile, Tuer n'est pas joué, donc ça date vraiment, c'était Timothy Dalton dans Living Daylights, donc en passant tout Brosnan et la grande majorité des films avec Craig, s'il y a un film qui ressemble vraiment à du James Bond, pour moi, c'est celui-là. Donc c'est Sam Mendes qui a réalisé ça après Skyfall. Et pour moi, c'est important de faire un petit retour en arrière parce que je peux pas juger de ce James Bond précisément sans parler des quelques précédents de Craig. Parce que pour moi, la raison pour laquelle. Qu'est-ce qu'un film qui ressemble à du James Bond? C'est ça. Qu'est-ce qu'un film qui ressemble à du James Bond? Est-ce que c'est Casino Royale? Oui, Casino Royale, il y a une mission du début à la fin, il y a un bad guy aisément reconnaissable, il y a des histoires de trahison, des histoires, c'est pas mal écrit, mais il y a des trucs qui étaient pas très James Bond. Il y avait des trucs un peu déjà à la Jason Bourne, il y a une scène dans la douche avec Eva Green qui est traumatisée parce qu'il y a eu une scène d'action violente, ce genre de choses. On n'est déjà plus complètement dans le thème, mais voilà, Casino Royale, ça venait après pas mal de Brosnan qui étaient montés comme des James Bond vraiment très classiques. Ça, pour le coup, c'était standardisé. Ouais, c'est ça, standardisé. Et la très, période et très... Brosnan, c'est celle que je connais le mieux, parce que c'est... Ouais. Voilà. Mais oui, effectivement, ça, c'est très standardisé. C'était devenu très caricatural, en fait. Les bombes à Brosnan, et ça avait fini avec le dernier, mais un autre jour, qui était juste délirant, parce qu'il citait James Bond, mais qui racontait plus rien. Quoi. Donc, c'était voilà. Complètement barré. Hein. Après, on a eu Quantum of Solace. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Quantum of Solace qui éventuellement pouvait faire un bon James Bond? Et pas grand-chose, parce que là, pour le coup, on était carrément dans du sous-Jason Bourne, et en plus, l'action était illisible, donc il y avait plus grand-chose à voir, mais il y avait un côté un peu bourrin et généreux dans les scènes d'action, pourquoi pas. Après, il y a eu Skyfall. Alors, Skyfall, c'est le petit chouchou des plein de gens qui n'ont pas vu beaucoup de James Bond. Alors, juste par... Casino Royale et Quantum of Solace sont réalisés par qui, du coup? Alors, le Casino Royale, c'était Martin Campbell, et Quantum of Solace, c'est Mark Forster, je crois. C'est ça, ouais. D'accord, donc... Et quand tu vois Soleil, il a aussi pas eu de bol, parce qu'il était là pendant la table des scénaristes. C'est pour ça, ça me parle pas. Quand tu vois Soleil, ce que je disais, il a pas eu de bol, parce qu'il a été fait pendant la grève des scénaristes à Hollywood. Oui. Et ça se voit. Et donc, et Skyfall, qu'est-ce qui peut faire James Bond dans Skyfall? L'image est sublime. La lumière est sublime, c'est un film qui est très spectaculaire, mais qui, en même temps, était vraiment dans l'autoréflexion avec un personnage principal, on sait pas très bien où il en est, où il est fatigué. Enfin, c'était un drôle de film, assez neurasthénique, en fait. Mm-hmm. Et là-dessus, donc c'était Sam Mendes qui l'avait fait. Et là-dessus arrive, c'était en 2015, Spectre. Et Spectre, il prend toutes les qualités des films précédents et il vire tous les défauts. Spectre, c'est un film qui est, dont l'image est magnifique. Alors, c'est plus Dickens qui l'a fait, c'est un type qui est un peu moins connu, dont je parlerai peut-être un peu plus tard, qui a fait notamment l'image de tous les films récents de Christopher Nolan. Ok. Donc voilà, c'est un type qui est inconnu, mais qui est assez inconnu, qui s'appelle Von Neyma, je crois. Ouais, c'est ça. Pour la photographie. Pour la photographie. Qui a fait aussi la photo de Nope. Ah oui. Qui est un des plus beaux films sortis. Jordan Peele. Ouais, qui est un des plus beaux films sortis aussi ces dernières années à mes yeux. Ouais. Donc voilà, c'est un film qui a l'image de Skyfall. C'est un film qui a le côté Bond traditionnel et mission traditionnelle de Casino Royale. Alors il y a des petites subtilités, c'est aussi ça c'est pour ça que le film est intéressant. Bond n'est pas exactement missionné par le MI6 pour faire ce qu'il veut faire. Il est plutôt missionné individuellement par M qui est morte au film précédent. Et c'est encore un peu un James Bond qui est contre l'institution, mais qui est quand même pas mal aidé par des membres de l'institution. Il y a Moneypenny qui l'aide aussi sans doute, mais qui l'aide. Il y a M qui finit par comprendre que c'est peut-être mieux d'aider Bond que d'aider les psychopathes qui veulent développer les systèmes de renseignement, parce que c'est ça le film. Il y a un bad guy clairement identifié, et c'est Blofeld, c'est-à-dire le méchant traditionnel de Bond depuis quasiment le début, puisque je crois que la première fois qu'on entend parler de Spectre, ça doit être au moment de Bon Baiser de Russie. C'est-à-dire le deuxième James Bond. Ouais. Je crois même que Dr. No est un agent du Spectre. C'est l'époque Sean Connery. Oui, c'est ça. Et je crois même que Dr. No est un agent du Spectre. D'accord. Donc vraiment, c'est le tout premier Connery. Donc voilà, Spectre, c'est le méchant traditionnel de James Bond. C'est le Bond. C'est emblématique. Et c'est le méchant de Ian Fleming, des livres d'origine. Donc il est dans le film, mais en même temps, il ose un peu le film. Alors, parfois, c'est pas très réussi. D'ailleurs, c'est pas un mystère. Les trucs qui sont pas très réussis dans le film, c'est pour moi ce qui héritait de Skyfall. C'est-à-dire un peu la réflexion sur qui est James Bond. On nous le présente comme un agent secret, mais qu'est-ce que c'est que son histoire, machin. Donc là, l'histoire avec Blofeld, plus ou moins frère adoptif de James Bond, ça fonctionne pas. Mais moi, le côté réflexion et le côté on essaie à la fois de reprendre des icônes de la mythologie, mais en les travestissant quelque part, et en changeant un peu leur histoire et en essayant de faire quelque chose, je trouve ça intéressant. Je dirais pas que c'est réussi pour le coup, mais je trouve que justement dans un monde où on a des blockbusters parfois standardisés, je trouve que Spectre, ça ressemble qu'à Spectre. Ça ressemble même pas vraiment au Mendes précédent. Il y a des trucs complètement fascinants. Je l'ai revu aujourd'hui pour m'en mettre des choses un peu en tête. Il y a tout un côté où Bond, c'est quasiment un cadavre qui ressuscite au fur et à mesure du film. Au tout début, il y a un espèce de truc complètement bizarre avec un texte qui s'affiche en disant les morts sont vivants. Et juste après, on voit James Bond qui est déguisé en Baron Samedi, c'est-à-dire plus ou moins en dieu des morts dans la mythologie. Ah, c'est dans la mythologie vaudou. Dans la mythologie vaudou. Et là, encore une fois, on est sur une référence à un Bond précédent qui était complètement naze, qui s'appelait Vivre et laisser mourir. C'était à l'époque de Roger Moore, mais où il y avait le Baron Samedi, et à la fois c'est pas une référence pour rien, parce que c'est Bond qui est dessiné en dieu dessiné et déguisé en dieu des morts, et il est mort au début du film, et à la fin du film il est complètement de nouveau en vie, parce que avec tout ce qu'il a vécu et parce qu'il a trouvé quelqu'un qui le comprend en la personne de Madeleine Swann, qui est jouée par Léa Seydoux. Enfin, il y a plein de trucs intelligents comme ça qui sont pas relous, c'est pas des trucs lourds. C'est vraiment des ajouts à une mission et à une histoire de James Bond qui, à part ça, est très classique. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont très intéressantes. Et à part ça, et là, c'est ce qu'il a peut-être tiré de Quantum, c'est un film hyper généreux dans l'action. L'action, elle est lisible. Il y a des trucs complètement dingues. Je rappelle que c'est le film qui a la plus grosse explosion. Le Guinness World Record de la plus grosse explosion dans un film. Encore aujourd'hui ? Ouais, alors j'ai noté un chiffre, je sais pas si j'ai gardé ma feuille quelque part, parce que forcément je l'ai pas sous les yeux. Non, mais c'est pas grave. mais je crois. Même depuis Oppenheimer. Ouais, c'est. Après, en practical effect, hein, je sais pas après ce qui dans les effets spéciaux ce qui a été fait, mais c'est ça, c'est 136,4 kilos TNT. D'accord. avec une explosion qui est filmée. Il y avait quand même eu The Dark Knight aussi. Ouais, mais là c'est autre chose parce que c'est vraiment filmé dans un cadre hyper large. Tu vois absolument. Mm-hmm. En fait, c'est la cachette, la planque du méchant qui explose. Et t'as un plan large. Et t'as un plan très fixe de 10 ou 15 secondes. Donc c'est très long, hein, pour un blockbuster moderne. Mm-hmm. Où tu vois juste mm-hmm. l'explosion. Ouais. Il y a des trucs comme ça. En fait, c'est un film qui est hyper généreux. D'accord. Il y a plein de trucs super bien. Il y a un moment. Oui, qui te laisse apprécier le spectacle aussi. C'est ça. Il y a un moment, une séquence qui aurait pu être complètement débile avec un avion qui poursuit une bagnole. Les deux étant sur Terre, hein, je précise. des trucs vraiment. Oui, des trucs un peu débilos, mais en même temps, les scènes d'action de James Bond, ça a toujours été ça. Hein. À partir du moment où ils ont pu tourner des scènes d'action qui ressemblaient un peu à quelque chose, c'est-à-dire à peu près à partir de. Peut-être Opération Tonnerre. Donc c'était la fin, plus ou moins la fin de Sean Connery, il restait quelques films encore. On a eu des moments comme ça spectaculaires, de scènes d'action hyper généreuses de James Bond. Mais ça, on l'avait pas eu depuis très très très longtemps. Et en particulier, on n'avait pas eu ça sur la Craig encore, de vraiment de scènes très impressionnantes d'action. Toutes ces raisons qui font que pour moi, Spectre, c'est le film qui ressemble le plus à un James Bond de toute Claire Craig, à l'exception peut-être de celui qui suivra. Qui lui est beaucoup plus dans la référence à un Bond en particulier qui était au service secret de Sa Majesté. Mm. Il reprend le thème musical, il reprend la musique, il reprend un peu la fin en la renversant. Mais là, Spectre, c'est un film qui ressemble à tous les autres James Bond, mais qui ressemble aussi beaucoup uniquement à lui-même. Mm. Je trouve pas qu'il y ait un autre film dans la saga de James Bond qui ait réussi à faire ce que Spectre a réussi à faire. Même le meilleur Bond à mes yeux, qui est Living Daylights avec Timothy Dalton, il lui manquait un truc, c'était l'action spectaculaire, et c'est dans Spectre. D'accord. Donc, et c'est un film qui, encore une fois, je rappelle pas ce que j'ai dit au début et ce que j'ai cité au début, mais qui a été très débattu à sa sortie, pour la seule raison, en fait, pour moi, qui suivait Skyfall, et qu'on avait cette idée, ce standard en tête de Skyfall. Et donc, ce film complètement différent, qui assume le côté un peu gonzo et un peu débile de son action, et qui assume le côté divertissant et qui est beaucoup moins dans la réflexion psy, même si j'ai dit qu'il y en avait un peu. C'est un film qui, du coup, pour ces raisons-là, n'a pas fonctionné, en tout cas dans la critique. Mais pour moi, il faut le réhabiliter absolument, et ça fait partie facilement des top 3 des James Bond depuis la création, donc depuis ceux avec Sean Connery ou même les précédents qui sont plus rares, qui sont plus moins connus. Voilà. D'accord. Ok. Alors, bon, je t'avoue, j'aurais moins de choses à dire sur le monde perdu parce que j'ai vu aucun Bond de ma vie. Donc... Ouais, moi c'est pareil. J'en ai vu, mais j'ai pas vu les derniers. Non, ouais. Tout ce qui est à partir de Casino Royale, j'ai pas vu. Donc, t'as vu aucun Bond, zéro, mais vraiment zéro, pas une minute. Ah, frérot. Pas une minute. Mais. Écoute, c'est un retard à rattraper. Non, mais je juge pas, au contraire, je t'envie. Mais bien sûr, ouais. mais du coup, bon, je te demanderais peut-être conseil en off sur lequel peut-être commence, ouais. Sur lequel commencer. Mais n'empêche, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, ouais, ce que tu dis, justement. Adrien, parce que finalement, ça caractérise assez bien ce que je pensais. En fait, moi, j'ai vu les James Bond avec Pierce Brosnan, je crois que je les ai tous vus, alors après, je me rappelle pas de tous, hein. Et j'ai dû en voir quelques-uns avec Roger Moore, j'ai dû en voir un ou deux avec Sean Connery, mais tu sais, vraiment, quand ça passait à la télé, et c'était l'été en vacances, machin. Et voilà, j'ai pas un affect avec James Bond, non, pas du tout. Mais c'est vrai que les derniers, donc, à partir de Daniel Craig, en fait, toute l'ère Daniel Craig, je les ai pas vus. Parce que j'ai toujours eu ce sentiment, que c'était des films, en fait, qui... J'avais le sentiment que c'était pas des James Bond purs, en fait. Ouais. Il y a de ça, hein, vraiment. Ça se questionnait, ouais. Beaucoup, où on prenait plus de temps à s'interroger sur le personnage, alors que, moi, c'est peut-être moi qui suis un peu con, mais c'est vrai qu'un James Bond, pour moi, c'est le côté agent secret, hyper classe, qui agit autant dans l'ombre que dans la lumière, et qui a un peu d'action, un peu de combat au corps à corps, etc. Et j'ai toujours eu ce sentiment que dans les films de Daniel Craig, il n'y avait pas ça. Bah, surtout, James Bond, c'est 007, c'est un agent secret. Donc, c'est ça. Dans l'idée, on pourrait se dire que c'est un personnage quand même relativement anonyme. Alors, ça se discute, parce qu'en même temps, les meilleurs, c'est aussi ceux où il a transcendé ça. Au service secret de Sa Majesté, c'est un film où on nous montre le trauma originel de Bond. Donc, ça peut être intéressant. Le problème, c'est quand il n'y a que ça. Ouais. Et pour moi, Skyfall, c'était que ça, malheureusement. Ouais. Et Spectre, il y a un peu de ça. Je me rappelle ouais, vraiment de remarques comme ça de certaines personnes, de d'avis que j'avais pu lire, où les gens disaient, ouais, on se fait chier, quoi. En gros, hein, globalement. C'est un peu ça. Et du coup, oui, en fait, ce que tu dis là tombe là-dessus aussi. Donc, je comprends. Ouais. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il faut pas, parce qu'on a souvent tendance à dire, quand les gens disent on se fait chier, dire, ah bah ça y est, dès que c'est un peu intellectuel, les gens ils aiment pas. Je pense que c'est pas ça du tout. Je pense que quand on va au cinéma, on a des attentes, alors qu'ils peuvent être subverties ou non. Hein. Il y a des très bons films qui ressemblent pas du tout à ce qu'on espérait qu'ils soient. Mais je pense quand même que il y a certains éléments qu'on peut trahir, mais que quand on commence à faire complètement autre chose, je vois plus l'intérêt en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est très bien qu'on essaie de faire une sorte de Jason Bourne un peu différemment. J'adore Jason Bourne, mais je vois pas l'intérêt de plaquer Jason Bourne sur James Bond. La standardisation, c'est un peu ça aussi. T'aimes l'un et t'aimes l'autre, mais oui, mélanger les deux n'est pas forcément. La standardisation, c'est un peu ça. C'est penser qu'on peut tout confondre. Ouais, c'est comme si on disait tous les films d'espionnage doivent être comme l'émission Impossible. C'est ça. Tous les films d'espionnage doivent être comme l'émission Impossible, ou comme Kingsman, ou comme voilà. Pour moi, il y a plein de sous-genres dans le genre. Je trouve que Jason Bourne et James Bond appartiennent à la fois au même genre et à la fois pas du tout au même genre. Parce que tu vois, pour moi, typiquement, Kingsman, en fait, c'est un James Bond décomplexé. Oui. Ce que n'avaient pas l'air d'être les films de l'ère Craig, par exemple. C'est quasiment pas parodique, hein, Kingsman. Ça ressemble beaucoup à des Bond, alors ça ressemble pas du tout à ceux de Craig, bien sûr. Ça ressemble un peu à ceux de Brosnan, ça ressemble surtout à ceux de Roger Moore. Okay. Genre Moonraker, vraiment des trucs sur Instagram. Même tu vois, en n'ayant jamais vu un James Bond, celui-là j'en ai entendu parler. C'est peut-être un de ceux que j'ai vraiment envie de voir, juste pour constater le. Pour le délire, hein. Ouais. Clairement. Il est plutôt mieux que ce qu'on peut penser. Oui. C'est pas un très bon film, mais clairement, tu me dis d'identifier un des pires James Bond, c'est pas comme ça que je commencerai. Ouais. Ok, bah super. De toute façon, on est d'accord pour dire que les pires James Bond, ça reste quand même ceux, en termes de cinématographie, hein, cinématographiquement parlant, je veux dire, ça reste ceux de l'époque Pierce Brosnan, quand même. Ouais, pour moi, ça se discute parce qu'ils ont quand même essayé. Enfin, c'est pas Meurt un autre jour le meilleur, enfin, on est d'accord. Non, mais bien sûr, mais ça Meurt un autre jour, c'est même le top 3 des pires. Je pense. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que en fonction de l'ère dans laquelle t'es, ils sont pas du tout interchangeables. GoldenEye et Meurt l'autre jour, c'est pas du tout la même chose. Et est-ce que t'aurais vu un. Alors, bon, c'est un peu con ce que je vais dire parce que Pierce Brosnan maintenant il a vieilli aussi, mais est-ce que tu aurais vu Pierce Brosnan à l'heure de Skyfall par exemple, ou de Spectre? Est-ce que ça aurait fait sens? Pierce Brosnan c'est un très bon acteur, il est capable de jouer ça, je pense. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas de soucis avec lui. Moi, je trouve que tous les acteurs de Bond... Ah oui, non, puis il colle, je veux dire, au personnage. Oui. Moi, je trouve que tous les acteurs de Bond ont très bien joué Bond. J'aime pas beaucoup Roger Moore, mais c'est vraiment une question de préférence personnelle. Et Lazenby, c'était pas un acteur, c'était un mannequin, hein, ça se voit. pour moi, tous les acteurs de Bond, c'est jamais l'acteur le problème pour moi. Quand il y a un mauvais James Bond, c'est une addition d'éléments. C'est pas à cause de l'acteur principal. Oui, bien sûr. Là, pour moi, c'est tellement difficile de fondre le Bond de Brosnan dans le Bond de Craig parce qu'ils ont vraiment pas grand-chose en commun. Mais connaissant les talents d'acteurs de Brosnan, après, il y a beaucoup de films qui sont sujets à ça. Hein, je veux dire, beaucoup de bons acteurs qui jouent bien, même perdus dans des mauvais films. Ouais, Brosnan dans Meurt un autre jour, il est pas mauvais. Ah non. Le problème, c'est le film. c'est pas lui. C'est assez rare hein, qu'on ait vraiment un acteur qui joue Bond et qui dans son propre film se met pas à côté de la plaque. C'est assez rare. Je le revois encore faire du surf sur le glacier. Ouais. Non mais oui, avec l'invisible et tout ça. Oui, c'est ouais. Dans le palais de glace à la fin avec l'Aston Martin qui devient invisible. Enfin, c'est... Mais c'est pas plus débile que Christopher Lee en jogging dans L'homme pistolet d'or. Il y a plein de trucs, il y a plein de moments où dans la mythologie, bon, mais c'est normal, il y a plus d'une vingtaine de films. Donc il y a plein de moments où ils ont craqué, hein. La constante peut pas être. J'avoue que peut-être aussi le fait, enfin comment dire, pour mon choix, c'est pas vraiment un choix de ne pas en avoir vu aucun, mais ma non attirance, on va dire, pour James Bond, c'est aussi un peu la mythologie autour et tout ce qu'il y a tout ce qui représente un peu, qui... Il me semble qu'on en avait parlé une fois, et que c'est ce qui te, te bloquait un peu. Ouais, même, enfin... L'homme à femme, ouais. Le... Oui, ouais. Assez peu de considération pour les personnages féminins. Oui, ça, et ça, tout, ça, ouais. ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Qui est encore et puis le stéréotype de la James Bond girl, ouais, en fait. C'est ça. Rien ouais. que ça. Mais ça, en fait, alors ça, il y a plusieurs bombes à voir pour un peu, oui. pour un peu améliorer ça. Dans la majorité, c'est ça, hein, je vais pas te mentir. Surtout les bombes avec Sean Connery, Roger Moore, et surtout avec Sean Connery. Oui, je... Ils sont assez excités. Avec Pierce Brosnan aussi, hein. Ouais, mais surtout Sean Connery. Sean Connery, c'est un... après, c'est, on va dire, c'est l'époque, oui. machin. C'est d'un sexisme épouvantable. Mm. Goldfinger. Oui, mais le c'était les. Oui, mais c'est. Oui, mais alors, oui, d'accord. Donc, Goldfinger. C'était une époque. Oui. De toute façon, c'était une époque sexiste. Oui, mais encore aujourd'hui. Mm. Un des préférés. Ah de oui, fans. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas normal. Ah, mais ouais. à l'époque, si tu veux, même oui, si ça reste dégueulasse, ouais. c'était moins étonnant. Ouais. Parce qu'un des préférés des fans, Goldfinger, James Bond, il pratique un viol sur une ouais. lesbienne et à la fin, elle est plus lesbienne, tellement il est bon, tu vois. Ouais. Les gens, ils ont oublié ça. Les gens, Goldfinger, ils se souviennent que de plein de trucs géniaux liés à ça. Ouais. Et ça, c'est violent, par contre. Daniel Craig, il y a un peu de ça. C'est mais c'est vrai, c'est sérieux, c'est vraiment. Oui, oui, c'est, oui, oui, c'est oui, évidemment. C'est explicitement pas... dit dans le film, alors, c'est une interprétation qu'on s'en fait. Parce que franchement, c'est grave. Vraiment, c'est vraiment grave, ouais. je vais te mentir, Eddie, je dirais qu'on est dans le quasiment explicite. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas dit, il la viole et elle est lesbienne et elle est plus lesbienne. Mais dans les faits, c'est ce qu'on voit. Mm. C'est ce qu'on voit à l'écran, et ce débat et tout ça. Enfin, je me mettrai pas de détails parce qu'en plus on n'est pas mettre Gore Warning. Oui, oui, non, bien sûr, évidemment. Mais Daniel Craig, il y a encore un tout petit peu de ça. Et puis, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça commence à changer un petit peu. Oui. Surtout dans le dernier. Le tout dernier. Dans le tout dernier. C'est aussi parce que Craig, c'est un type qui est hyper gentleman dans le bon sens du terme et qui en pouvait plus de jouer Bond aussi pour les raisons que tu évoques. Ouais. Et en fait, dans le tout dernier, ouais. qui est écrit par Phoebe Waller-Bridge. Ah oui, c'est Phoebe Waller-Bridge. Fleabag. Ouais, Fleabag qui. Ça a jamais été ma minute nerd, mais vraiment, regardez Fleabag, ouais. c'est incroyable. C'est ça, regardez Fleabag, et ben elle a participé au scénario, et ben d'un coup, c'est vachement mieux, tu vois. Ah oui, ouais. D'accord. Ok, ben bah, tu vois, voilà, ça m'a donné. Juste le fait que tu dis. Ouais, alors commencer par No Time to Die, c'est quasiment du troll, hein. Ouais. Parce qu'en fait, il référence tellement de trucs précédemment que ouais. tu vas louper les choses. En fait, Axel va faire la chronologie inversée. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est possible. Non, mais il y a histoire aussi... de rester déçu par James Bond. Pour moi, il y a une bonne porte d'entrée. C'est tuer les pas. Aussi parce que c'est le meilleur. Hein. Je sais pas objectif. Pour moi, c'est le meilleur. Mais c'est tuer les pas joués, Living Daylights avec Timothy Dalton. Ouais. Fin mais années 80, début années 90. Beaucoup, Timothy Dalton, de ce que j'ai cru comprendre. Je l'ai fait deux. Ouais. Mais Timothy ouais. Dalton, c'est un acteur que j'ai plus vu dans des séries. Mais il m'avait vraiment beaucoup marqué dans Penny Dreadful. Ouais, bah c'est ça. Mm. Et bah là, il joue Bond. Il a un charisme de fou. Il est fou. En fait. Là, il joue Bond. Ouais. Et vraiment, Tuer n'est pas joué, Living Daylights, c'est le, pour moi le premier Bond vraiment moderne de ce point de vue-là. Mm. Ok, bah, très bien. Bah, je me note ça. Et puis, bah, ça va. On, voilà. Voyez Spectre et du coup Spectre aussi puisque ouais. et question subsidiaire du coup qui t'a resté sur James Bond pour finir la partie de James Bond, je sais qui verrais-tu Adrien comme je prochain sais, James Bond je savais qu'on me demandait ça bah oui mais c'est le grand débat qui agite internet alors depuis, y a plein de trucs qui feront pas que les gens peuvent penser qu'ils feront et qu'ils feront pas mm. Déjà tous les acteurs qui sont pas britanniques c'est bon Tout le monde dit Henry Cavill, mais je le vois pas du tout en James Bond. Henry Cavill. Il collerait, mais pour moi, alors, il est trop associé à d'autres trucs. J'adore Henry Cavill. Et j'aimerais beaucoup qu'il fasse Bond, mais non pour deux raisons. D'abord parce qu'il a déjà essayé. Mm. Et qu'il n'a pas été retenu. C'était à l'époque de Brosnan. Ah oui. Et ensuite parce que. À l'époque de Brosnan? Ouais. Non. Si, si. C'est pas possible. Il avait quel âge? Pourquoi pas? À la fin de Brosnan, alors. Bah, pourquoi? Attends, il était beaucoup trop jeune. Enfin, tu confonds, tu compares les âges d'Henri Cavill et Pierce Brosnan, tu vas être surpris, hein. Non, mais non. Attends, Henri Cavill, 40 ans. Et Pierce mais Brosnan. C'est pas possible ce que tu nous racontes. 70 ans, oui, d'accord. ok, je me suis trompé. Ah oui. Petit décalage. Il a peut-être casté à l'époque de. Non, dans mes souvenirs. Il était en pourparlers, mais. Peut-être. Ah, mais alors peut-être parce qu'il avait même pas joué dans les Tudors à la fin de l'ère Brosnan. Ah, c'est marrant, dans mes souvenirs, il avait. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais dans mes souvenirs, c'est ça, il a subi un refus, c'est ça. Dans mes souvenirs, il. Oui, mais pas à cette époque-là, je pense. Voilà. Ouais, c'était peut-être tout à la fin, parce qu'il était jeune, mais d'un côté, il cherchait un bon jeune à ce moment-là. Ok. Bon, du coup, là, le truc qui revient tout le temps, c'est Aaron Taylor-Johnson. Ah ouais? Moi, j'avais entendu mal Idriss Elba aussi. Hein. Ouais, mais... Comment dire ? Apparemment, c'est qu'il colle pas à la description des romans. Alors, il y en a plein qui tiquent là-dessus. Alors, au-delà du racisme des gens, voilà. le problème, c'est que le système Bond est encore très cadenassé. Mm. Donc, ça serait une très bonne nouvelle. C'est un excellent acteur, il ferait un Bond merveilleux. C'est clair, ouais. Je pense pas que ça se fasse. Ouais. Si ça se fait, ouais. Voilà. Regardez Luther. Clairement, si ça se fait pas, c'est juste parce qu'il est noir. Ouais. Il y a un élément qui est très important aussi. Il est un peu âgé pour un Bond maintenant, peut-être même, non? Ouais, c'est le problème, c'est qu'il cherche un jeune, encore une fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a, je dirais, le critère quasiment principal, c'est qu'il faut que ce soit un acteur un peu connu, mais pas trop. Ouais. Oui, c'est ça. Ce ne sera parce pas... qu'il faut que sa notoriété se fasse. C'est ça. Ce ne sera pas. C'est pour ça que Henry Cavill laisse tomber. Oui. Ce ne sera pas un acteur super connu. Ben alors, ça se trouve, là, je suis en train de dire un truc qui est enregistré, et ça se trouve dans 3 mois ils vont annoncer Henry Cavill. Et c'est un Anglais obligatoirement de toute façon. Mais là, puisque tu me poses la question, je raisonne à partir de ce que je sais de comment ils ont fait les castings jusqu'ici. Donc peut-être que je me trompe complètement. Mais dans ce sens-là, Aaron Taylor-Johnson, c'est aujourd'hui le plus vraisemblable. C'est l'acteur de Kick-Ass. C'est le plus plausible. Moi, je trouve pas que ce soit une très bonne idée, parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes acteurs jouer toujours les mêmes rôles. Mais parce que voilà, je trouve que moi, j'aimerais bien vraiment. C'est pour ça que j'aimerais bien Idriss Elba. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on continue à épouster un peu le rôle. Est-ce qu'ils assumeront de le faire ? On verra. Il y avait un acteur qui était très bon, dont j'ai oublié le nom. C'est l'acteur qui joue le dans The Crown, qui joue le comment il s'appelle le prince Charles, c'est ça, le mari de Camilla. Oui. L'acteur qui joue le prince Charles jeune. Donc j'ai plus son nom, mais je vois très bien. Oui. Bah, oui. Je trouve qu'il avait vraiment la je fais la recherche en même temps. Non, mais je trouve qu'il avait vraiment la. Je sais plus. Oui, c'est un acteur irlandais, je crois. Ouais. Non. Ils disent Josh O'Connor, mais est-ce que c'est si je crois que c'est ça, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, Josh O'Connor. Moi, c'est lui, je voyais. Ouais. Mais bon, moi, mon souhait. J'aurais bien vu moi celui qui joue. Alors désolé, celui qui joue, parce que bon, je donne mon avis, même si tout le monde s'en fout, puis je regarde pas tout le film. ce que je l'ai revu récemment pour me rendre à quel point le film était raté. Celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques, là, le frère de Norbert. Ah bah c'est j'allais dire c'est le même acteur, non, mais c'est quasiment le même. il se ressent comme deux gouttes d'eau. Callum Turner. Ouais, je vois très bien. Bah, tu vois, c'est très proche de ce que j'ai dit moi de Josh O'Connor en fait. On a tellement dans l'idée d'un bon standard, d'un bon de standard de Bond, qu'en fait on pense tous à peu près au même physique. Ouais, c'est ça. Alors moi pour jouer James Bond, pour répondre à la question, si j'avais des rêves. Vas-y. Oui, voilà, c'était ça. J'ai trois rêves. Phoebe Waller-Bridge. Un, Idriss Elba. j'étais pas loin. Un, Idriss Elba. Deux, joué par une femme. Et là, Gillian Anderson. Ah ouais. J'adorerais voir. Ah, oui. Alors après, sans parler de questions de sexisme ou quoi que ce soit, est-ce que joué par une femme, ça fait sens quand même, pour le coup? Mais tout fait sens à partir du moment où c'est bien décrit. De toute façon, c'est censé être un... Mais est-ce que du coup, là, faut pas réécrire le personnage, en fait? Clairement. Bien sûr que si, mais de toute façon, il faut le faire. Oui, voilà. Donc là, oui, ok. Puisque de toute façon, ce serait 007, en fait. Donc, c'est un nom de code. Ben oui, c'est ça. Dans No Time to Die, 007, c'est une femme. Ok. Et une femme noire. Alors je te dis pas les tombereaux d'horreur. Voilà, là, oui. On a entendu. Ils vont nous faire une Leslie Jones là. C'est exactement ça. Mais c'était à ce niveau de violence. Hein. Et voilà. Et moi après si j'ai un fan cast, mais je le verrai partout, c'est Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe en James Bond. Oui, je disais juste ça parce que c'est un acteur qui, pour moi, c'est exactement l'acteur connu, mais plus trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Connu, mais plus trop en vogue, ouais. Bah oui, dans Insaisissable 2, avec sa barbe, il ressemble pas à Harry Potter. Hein. Non. Mais voilà, moi, sans lunettes, il ressemble moins à Harry Potter. Moi, je le verrais partout, mais clairement, si je devais claquer les doigts et demain, un acteur est Bond, c'est Idriss Elba. Ok. Ou alors, il faut un vieux James Bond et ils reprennent Timothy Dalton. carrément de l'exorcisme. Là, pour le coup, avec. Enfin, niveau charisme, Idriss Elba, ça coche toutes les cases. La classe naturelle, le charisme, Voilà. Très bien. Voilà. Mais bon, s'ils veulent un acteur jeune, c'est vrai qu'ils vont pas prendre Idris Elba. Ouais, c'est vrai. Donc Hollywood, si tu nous entends. Voilà. Ouais, mais c'est pas Hollywood. C'est oui, la MGM, c'est donc c'est Hollywood. Amazon maintenant. Voilà. Donc. Ah ouais, c'est Amazon maintenant, ça. Oui. D'accord. Il me semble, hein, c'est Amazon qui avait racheté, je crois, MGM. Me demande pas ce truc. Il me semble, c'est peut-être une fausse information. Mais en tout cas, c'est la MGM de toute façon. Mais voilà. Bon voilà. Mais bah, j'avais pas rien à ajouter, moi, sur. Ok, très bien. Sur Spectre. Parfait. Ben merci pour. Mais c'était, ouais, très, c'était très intéressant pour quelqu'un qui connaît rien du tout. Ben c'était très expliqué. C'est ça. Ce que j'allais dire pour des profanes comme nous qui ne sont pas des aficionados de James Bond, quoi. Nickel. Et bah du coup, moi, je vais passer rapidement sur mon film. Donc j'ai choisi Tomorrowland. Enfin rapidement. oui. Ah, tu as choisi. C'est bien. Tomorrowland. Axel. Ah, c'est une bonne idée ça. J'y ai pensé là en faisant le podcast. Ah ouais. Je me suis dit, ça c'est peut-être un film dont il faudrait parler un jour. Et ben bah, écoute, c'est ce jour est arrivé. C'est vrai que c'est pas un film qui est détesté, mais tout le monde s'en bat un peu. Il est pas détesté, il a juste pas marché. En fait, c'est ça. Alors qu'il est très bien. Donc... vous dites ce que j'allais dire, donc c'est vraiment c'est ça, c'est non mais il y a pas de souci, c'est vraiment ça. En fait, c'est un film Disney, donc c'est relatif le fait que ce soit un film qui a été qui a réhabilité ou qui est un peu, mais c'est vrai qu'il est un peu oublié en fait. Mais il a réhabilité dans le sens où il est pas connu, c'est ça, et qu'il est pas apprécié pour ce qu'il est, ouais. En fait, parce que je pense qu'il a pas été très bien, c'est ça, au tout début il y a eu déjà une mauvaise communication autour du film qui a fait que bah, ça a pas trop marché en salle. Rappelle-toi de mon avis de l'époque. Ah oui non mais bah, ça fait 10 ans, moi j'avais pas apprécié plus que ça, et au final c'est en le revoyant je me dis mais en fait si, le film est hyper intéressant, ouais. Et du coup maintenant c'est juste un fond de catalogue Disney Plus, donc c'est ça, c'est fou. Alors que c'est quand même un film de Brad Bird, c'est clair, qui est vraiment intéressant. Il a plein de sujets vraiment cool. Pour rappel, du coup, c'est l'histoire d'une ado qui va se retrouver en possession d'un badge, un pins, on va dire, voilà, avec un petit T dessus, qui lui permet de voyager temporairement vers ce qui semble être un monde futuriste, utopique. Et du coup, son aventure va commencer, puisque en fait son badge a une limite de temps, elle va commencer quand elle va aller chercher un autre badge, elle va chercher des informations sur, essayer d'apprendre sur quel est ce monde qu'elle a pu voir temporairement. Et du coup, elle va rencontrer un peu deux personnages vraiment importants. Une petite fille qui est un peu la recruteuse, qui en vrai est un robot, mais on l'apprend très vite, donc c'est pas un spoil. La scène où on découvre que c'est un robot, c'est quand même assez génial. Elle est vraiment super. Il y a des très bonnes scènes dans le film. Pour un film Disney, c'est vraiment cool. Ah oui, ouais. Je l'ai revu cet après, mais vraiment, je prends toujours autant mon pied en le voyant. Puis c'est beau, quoi. Ouais. On a tous bien fait notre travail. Ouais, mais vraiment, on a été de très bons élèves. c'est super. Sauf non, moi qui ne l'ai pas revu, mais bon, en même temps, j'ai dû le revu. Non, mais oui, tu connais par cœur, je pense. C'est un truc avec des dinosaures, en général, je maîtrise. Ouais. Bon. du coup, oui, et elle va. Ces deux personnages vont retourner vers une personne aussi importante qui est interprétée par Georges Clooney, qui est un peu la personne qui a été banni de ce monde, du Tomorrowland. Voilà, du Tomorrowland, qui est un monde un peu hors des. Qui a été fondé par des scientifiques et des grands esprits. Un peu des businessmen. Bah, c'est esprits. Entre les deux, ouais. Hein. Ouais, c'est en fait, c'est un peu le sujet du film, en fait. C'est savoir la ligne entre le scientifique utopiste et le businessman. voilà. C'est un peu tout ce qu'on voit actuellement, en plus. Donc, j'avais prévu d'en parler aussi. Le film, c'est vraiment un film de SF assez familial. Alors, il a des petits moments un peu violents, mais c'est vraiment très relatif. Ça va. Au parfum un peu années 80, un peu Retour vers le futur. Je trouve qu'il y a cette vibe dans ce film, mais qui parle d'un futur qui fait référence à un futur des années... vu des années 50, on va dire. Voilà. Vu que c'est en lien avec... Le land de Disneyland, du coup, c'est un futur vu par Par Walt Disney. Par Walt Disney dans les années 50, 60. Donc, Brad Bird à la réalisation, qui vraiment. Premier film live. Non, Mission Impossible 4 avant. Ah, il l'avait fait avant, c'est vrai. Exact. Ouais, en 2011, il me semble. Enfin, virtuose, vraiment. Et l'un des meilleurs Mission Impossible. Ouais, vraiment. Les scènes d'action, quand tu parlais des scènes d'action avant, Adrien, de Spectre, qui étaient lisibles, vraiment. Moi, il y a. Ah ouais. Là, Brad Bird, que ce soit au niveau de l'animation, c'est un peu plus facile de faire des scènes d'action lisibles, mais même en live, il y arrive tellement bien. Le découpage, c'est vraiment un découpage de là où il vient, donc du dessin animé. Il avait commencé sur les Simpsons, hein, justement. Il a fait les Simpsons, après le Géant de Fer, les Indestructibles. Et tu ouais, voilà. Et en fait, il y a vraiment sa patte. C'est pareil, c'est un film que je pense que les gens ne connaissent pas assez, quoi. Le Géant de Fer, c'est... Ça pourrait être aussi un film dont on pourrait parler. C'est tellement beau et fort, je trouve, le Géant de Fer. Ouais, c'est magnifique. Et on retrouve un peu ces marottes, on va dire, dans tous ces films. C'est les thématiques qui lui sont chères, ouais. Ouais, c'est ça. Donc... L'histoire, elle a quand même, elle a quelques aspects simplets, une écriture un peu parfois facile. Il y a par exemple un trope de scénario que je supporte plus trop. D'ailleurs, quand j'y réfléchissais, je me disais que ça pourrait être un sujet, un thème intéressant, les tropes de scénario qu'on supporte plus. Et pour moi, c'est le début en fait où c'est raconté par les personnages qui sont à la fin du film, qui ont déjà vécu l'aventure et qui vont dire ah attendez on va vous raconter toute l'histoire. Côté comique, ça fonctionne, ouais, mais c'est vrai qu'on en a marre en fait de ce procédé là. Donc il y a quelques petites ficelles comme ça qui sont un peu qui passe plus trop, je trouve, mais... De toute façon, moi, je suis contre les voix off. Hein. Ah ouais, non. Les voix off sont un peu chiantes, alors sauf dans certains contextes. Non. Bah, je sais pas, t'as des contextes. Ah ouais. Genre, tu regardes Le Seigneur des Anneaux où t'as la voix off de Bilbon qui te décrit comment est la vie des Hobbits. Bon, là, ok. Non, je plaisante. Ça tombe sous le sens. Ça fait référence au livre. Mais ouais, du coup, ça, c'est... Enfin, il y a quelques petites ficelles narratives et puis facilités d'écriture qui sont... mais c'est rien de gênant, c'est vraiment minime par rapport à l'ampleur du film. Et puis l'histoire, elle a ses vrais moments d'émerveillement, en grande partie avec la puissance des images, et puis d'émotion. La première fois qu'elle arrive dans Tomorrowland, c'est quand même, mise en scène et de composition visuelle. C'est un plan séquence un peu virtuel, parce que c'est pas fait totalement en plan séquence, mais c'est magnifique. C'est vraiment... Ça donne l'illusion, en tout cas, ça fonctionne tellement bien. Le cadrage, tout fonctionne super bien, on se sent embarqué complètement dans le monde. On est dans l'espèce de métro aérien avec elle et tout. C'est vraiment... Et en plus, le fait de savoir que ça, en fait, ce qu'elle voit, c'est une pub, en fait. C'est pas le vrai monde. Complètement. C'est un truc qui a été filmé. En fait, c'est vraiment... ça fait un peu référence à ce que Brad Bird fait, en fait. Il fait du virtuel, en fait, et c'est un peu le thème du film, il fait des histoires pour inspirer les gens, et là, c'est vraiment ça. C'est un peu dans ce thème-là, quoi. Et puis, il y a des vraies scènes d'émotion, les personnages, on s'y attache facilement, l'aventure est vraiment cool à suivre. Il y a des sous-textes assez intéressants sur la puissance des optimistes et des rêveurs pour des changements positifs dans le monde, mais également sur la méfiance qu'il faut avoir sur la mainmise des idées. Sur la technologie. Des idées de ces rêveurs par les grosses corporations. C'est très drôle que tu en parles maintenant, parce que maintenant que tu en parles, je trouve que c'est assez prophétique, en fait. Ah oui, avec ce qui s'est passé chez Disney. Après le départ de Bob Iger, en fait. Mm-hmm. Oui, totalement. Et toute l'ère de la présidence Bob Chapek, donc qui, avec Disney+, avec les crushs chez Marvel et tout ça, et en fait, je trouve que le film dénonce, en fait, un peu ça. Ah oui, et on sent qu'il en parle, que Brad Bird, il parle de son cinéma, totalement. Pas que de... Parce qu'on sent qu'il y a aussi une partie un peu Silicon Valley, un peu critique de la Silicon Valley. Mais il y a une petite ambiguïté, c'est un peu technocrate par moment. Donc C'est là où je revois un peu. Il veut pas non plus totalement cracher à la gueule de Disney. C'est ça. Mais produisent le film hein, quand même, donc bon. Oui, voilà. Mais tu sens qu'il y a un peu cette. Mais tu sais, il y a des lectures de Tron qui sont super intéressantes sur le fait que bah, Tron, ça parle totalement de Walt Disney et la géance de Disney, qui sont vraiment super intéressantes à avoir aussi. Donc, enfin, bon, ça parle, c'est pas le même film, mais ouais, en tout cas, c'est, on sent que parfois les créateurs de films, même chez Disney, peuvent se permettre de passer en soum-soum, on va dire. Bah, c'est un autre débat, mais le Dumbo de Burton est très anti-Disney. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Et c'est ce qui en fait toute sa force, au Dumbo de Burton. Super, bah, bien sûr. Vraiment. Et c'est aussi pour ça que c'est certainement. J'aurais pu en parler aussi. C'est pour ça que c'est la meilleure. C'est le meilleur live action. C'est le meilleur live action de chez Disney, en tout cas dans leur grande entreprise. Ça, les copains, on aurait pu en parler parce que je peux vous dire qu'il s'est fait chier dessus celui-là. Ouais, alors que pourtant, il est excellent. Franchement. Oui. Ouais, ouais, mais totalement. C'est pour moi, c'est même pas un Burton mineur, quoi, je trouve. Enfin, c'est... Non, c'est un majeur, je suis d'accord. Majeur, je sais pas, mais c'est le premier Burton majeur qu'il a fait depuis un bon bout de temps. Je trouve aussi. J'avoue que. Moi, j'ai adoré Miss Peregrine, hein, mais bon. Ouais. C'est aussi un autre film. C'est que je suis très très faible face à Evergreen. mais ouais, du coup, on sent que ben il parle un peu de son cinéma à travers ça. Hein, donc c'est moi je trouve que c'est un très beau film à montrer par exemple à des enfants parce que ça parle d'écologie. C'est vraiment ça parle de plein de choses, mais il y a un sous-texte, enfin sous-texte même, c'est pas sous-texte, hein, ça parle directement d'écologie. C'est super dynamique, vraiment, on s'ennuie pas. Il y a plein d'idées visuelles et scénaristiques. J'aime beaucoup le côté un peu désuet futur vu des années 50-60 qui correspond totalement à l'univers visuel de Brad Bird qui faisait déjà ça dans Les Indestructibles ou dans Le Géant de Fer justement. Et parce que Le Géant de Fer, c'est ça, oui, c'est un petit côté old school quand même. Ah oui, mais en fait tout ce qu'il fait, hein, Les Indestructibles, ben, c'est pareil. C'est vraiment old school, hein, mais ça marche trop bien. Et l'univers visuel, il y a la patte Brad Bird, quoi, et on sait que c'est un film Brad Bird, quoi. Donc. Et c'est pour ça que j'adore. C'est vraiment ce peu l'anti J.J. Abrams en fait, Brad Bird. C'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement tout ce que J.J. Abrams adorait être. Ouais, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est un type qui a une connaissance, qui a une culture du passé complètement dingue. Ouais, tous ses films sont ultra référencés. Il le référence, mais bien. En même temps, c'est des aussi. Films ultra réussis. Ouais. Et c'est pas des films nostalgiques. Il est dans l'hommage, mais sans être dans le. Oui. Le recopiage. Le recopiage. C'est ce qui est intéressant, Thomas Roland, c'est que c'est un film optimiste. Et des optimistes, c'est pas récent, c'est tourné vers le futur. Ouais. C'est le contraire de J.J. Abrams. Oui. C'est-à-dire il est tourné vers le passé. Ouais. Et pourtant, j'aime certains de ses films. Hein, comment ils appellent ça, c'est dans South Park, c'était une vanne. Les Member Berries. Ah oui, ouais. C'est-à-dire que. Où on fait la parodie avec des fruits de. Des nostalgiques. Et c'est J.J. Abrams, le créateur de ces trucs-là. Ouais. Mais clairement. Et du coup, Thomas Roland, comme tous les films de Bird, sont empreints de cette espèce d'optimiste, de cette culture du passé, mais dont on se sert pour faire de très belles choses. Et je trouve que Thomas Roland, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, je l'ai redécouvert parce que je n'aimais pas du tout quand je l'ai vu. Il y a des choix de mise en scène qui ne me plaisent pas. Le moment où elle découvre le personnage, je crois que c'est celui de personnage du Glory et où c'est filmé le soleil au plein de face. C'est le truc qui ne me plaise pas. Mais en le revoyant, je me suis dit c'est quand même un des rares blockbusters authentiquement optimistes qui se sentit dans les années. Désolé, le chat s'invite dans le podcast. C'est pas grave. Allez-y, je vais continuer, je vous en prie. Il est optimiste. D'accord. Apparemment, il aime bien. Tout ça pour dire, moi, je suis d'accord pour dire que c'est comme tous les films de Bird, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment Les Indestructibles, c'est quand même, je pense qu'il est à sa place. Bon, le 2, peut-être pas. Même s'il est très bien, moi, je trouve vraiment très bon. Je trouve pas que le 2 soit inférieur au premier. Ah non, moi je les mets sur. Moi il est supérieur. À pied d'égalité pour moi, mais parce que je suis vraiment nostalgique. Pour moi, c'est deux films mais... hyper complémentaires. Hein, ouais, totalement. Et puis, il y a un. Enfin, si... je me suis fait la réflexion d'ailleurs, c'est marrant parce que en regardant le film cet après-midi, je me disais, il y a vraiment un univers très. Enfin, il aime l'eau, Brad Bird. Il y a beaucoup de scènes avec de l'eau, même dans Tomorrowland, dans tous ses films. Et je sais pas, ça m'avait marqué, je trouvais ça. En fait, il y a plusieurs films de. Surtout dans 20-30 ans, il y en aura plus. Oui, voilà, justement, il faut en profiter. Ouais. Peut-être qu'il devrait réaliser un biopic sur Jean-Claude Van Damme. Peut-être. C'est là où ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler de ce film parce que je le trouve vraiment. Enfin, il est cher à mon cœur. J'en ai pas vraiment. C'est non, vrai, mais clairement, on n'en parle pas assez. Ah oui. Sûr. Ouais, ouais. Là, pour moi, quand je suis tombé sur Tomorrowland dans ma liste de films que j'avais. Enfin, j'ai dû chercher des films. Je me suis fait une petite liste au cas où d'autres films ouais, que je garde. Mais celui-là, je me suis dit, ah ouais, non, celui-là, il faut que j'en parle parce que déjà, j'en avais pas parlé dans la rétrospective des années 2010. Parce que j'avais trop d'autres films à parler, à dur, évoquer, hein, ça, hein, et il y en avait que 10, donc j'ai dû faire des sacrifices, mais c'était vraiment un sacrifice assez dur à faire. Donc là, je me suis dit c'est le moment idéal pour en parler. Vraiment, si vous voulez vous faire un petit film de SF vraiment sympa, même à voir avec en famille quoi, vraiment. Et en plus c'est ultra divertissant, c'est super divertissant, il y a de très beaux messages, c'est enfin il y a pas beaucoup de choses à jeter du film, hein, vraiment, à part quelques simplicités d'écriture et des Michael Giacchino assez... à la musique, il est bon aussi, hein, ouais, Michael bon, lui je sais pas, alors clairement je sais pas quand est-ce qu'il dort, mais... c'est ce que la réflexion qu'on s'est fait à la maison il y a pas longtemps, mais quand est-ce qu'il se repose en fait, parce ouais. que mais il c'est... est enfin, il y a eu une période de temps il était sur tous les oui bons oui coups, il quasiment. Était partout vraiment c'était mon dernier point, justement la musique est vraiment magnifique, c'est ouais, un film à réhabiliter, voilà, ça, je pourrais pas le dire mieux. Pour le coup, ouais, on est totalement dans le thème. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter ? On peut passer à la suite ? Non, vers sinon, voilà, voyez tout le monde. Voilà. Ah oui, oui. Très bien. Voyez-le. Voilà. Si vous avez un abonnement voir, à Disney Plus et vous n'en avez jamais entendu parler, écoutez, vraiment, donnez-lui sa chance parce que ça vaut le coup. Ouais. Et puis si vous l'avez vu et que vous n'avez pas aimé, et ben donnez-lui une seconde chance. Chance parce que je vous jure que ça fonctionne. Ouais. Oui, ouais, ouais, clairement, moi ça c'est ce qui s'est fait avec moi. Clairement, j'aimais vraiment pas la première. Très bien, ben parfait. Ben écoutez, merci d'avoir validé mon choix. Moi, je valide les vôtres également, même si je n'ai pas vu. Je dirais même que finalement sur les trois, c'est certainement ton choix le plus pertinent, parce que c'est vrai qu'Adrien et moi on a parlé de deux films qui sont des bons films à nos yeux en tout cas, et qu'il faut réhabiliter, mais ce sont deux films qui ont marché. Oui. Alors que toi en plus il est bon, mais il n'a pas fonctionné au cinéma, donc c'est vraiment un film qui mérite une seconde chance. Bah ok, tant mieux si j'ai répondu parfaitement à l'exercice. C'est... Non, c'est très bien. C'était tout ce que je souhaitais. Très bien. Ah bah ça reste toi chef. Hein, tout. Oui, de toute façon, t'as forcément raison. Voilà, oui, de toute façon, c'est moi qui ai le dernier mot au montage, hein, de toute façon. Moi, je trouve que ton choix est particulièrement pertinent. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Les auditeurs, vous savez pas, mais vraiment, Eddy et Adrien m'ont chié dessus pour mon choix, et ça, ce que vous entendez, c'est ce que c'est mon montage à moi. C'est ce qui nous force à dire, en fait. Voilà. D'accord avec lui. Voilà. C'est pour ça. Vous vous doutez bien qu'Adrien ne peut pas aimer un film issu des studios Disney, donc évidemment que pour c'est moi, c'est même pas du cinéma. Très bien. Pour moi, de toute façon, c'est même pas un film. Ouais, voilà. On part de là. Hein. Très bien. Mais c'est pas vrai parce que j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes. Mais oui, non, mais oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Et Tomorrowland, du coup. Non, c'est UHC. Ouais, t'as raison. Allez, du coup, on va passer à la dernière rubrique, la minute. Qui s'arrête jamais. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast, et on est du coup au Minute Nerd, donc chacun va présenter un petit sujet en dehors du cinéma qui est cher à son cœur, et je vais commencer par Adrien, allez. Alors moi je vais vous parler un peu de gaming. Vas-y. Alors bon, en off vous parlez de solitaire, c'est oui, pas ça que je vais parler. De hard gaming. De hard gaming, voilà, non, c'est ça, solitaire Microsoft. Il me semble que tu twitchais ça juste avant qu'on commence, donc absolument. Tu remerciais les subs. Remercie les subs. Non, moi je vais vous parler de Hellblade, Senua's Sacrifice. Ouh, oui. C'est sur le Game Pass, ça. C'est sur le Game Pass. Donc pour ceux qui ont le Xbox Game Pass, vous avez absolument aucune excuse. Et en plus, le 2 va sortir sur le Game Pass. J'ai pas d'excuse du coup. En mai. Donc, et ça met à peu près 8 heures, donc vraiment, jouez-y. C'est donc un film qui se passe à l'époque un du jeu, film. Un jeu. Un jeu. Oui, mais parle mieux. Non, mais le sérieux du mec, quoi. Les... Oui. Non, c'est un jeu qui se passe à l'époque viking, qui a été édité par Ninja Theory, et qui raconte l'histoire de Senua, qui est atteinte de quelque chose qui est entre la schizophrénie et la psychose. Je suis pas un spécialiste de ces sujets, mais je crois qu'on est à peu près là-dedans. Donc, ce qui fait qu'elle a des hallucinations visuelles et auditives, qu'elle entend des voix, et qui va voyager à travers l'enfer viking pour essayer de retrouver l'âme de son compagnon qui vient de mourir. Ok. Okay. C'est donc ambiance, évidemment, hein, toujours. Donc c'est un jeu narratif, C'est un jeu narratif, mais il y a beaucoup, beaucoup quand même de gameplay. Ou c'est un RPG light, en fait, c'est quoi, c'est... On est entre les deux, parce que d'un côté, c'est extrêmement narratif et c'est pas un monde ouvert du tout. Ok. C'est quand même très, très directif, mais d'un autre côté, on n'est pas dans le jeu narratif traditionnel qu'on peut imaginer. À la Detroit Become Human ou... Ouais, c'est ça, dans le sens où c'est pas juste un walking simulator. C'est-à-dire que il y a des bastons, des boss, des phases de combat avec un gameplay vraiment super, super bien fait où tu sens bien. T'as quoi, t'as un arbre de compétences, L'arbre de compétences, je crois pas. D'accord, donc on n'est pas tout à fait dans un RPG non plus. Voilà, on n'est pas tout à fait dans un RPG. Il y a des énigmes. C'est un jeu d'aventure. Tu dois retrouver des signes dans la nature. Mm. Enfin, c'est un truc qui est vachement bien fait, qui est très intéressant, qui est très original. Mm. Et qui a vraiment pour intérêt principal de donner, d'après ce que j'ai lu, une vision très juste de ce que peut être la psychose. Okay. Et ça transposé à un moment où on ne parle pas du tout de psychose, hein, puisque je parle vraiment de l'époque viking. Ouais. Donc elle considère que c'est des démons à 40 ans. Et tout. Mm. Mais ils arrivent à faire ce truc de rendre le jeu hyper pertinent sur ces sujets. La psychose du personnage, c'est pas du tout un obstacle en soi. Ça peut être un obstacle, comme ça peut être quelque chose qui va l'aider, parce que c'est aussi des voix qui te préviennent quand tu vas potentiellement te prendre un coup par derrière, où il y a une voix qui dit « attention ». C'est vraiment un jeu très intéressant, et en même temps tout à fait divertissant. Voilà, j'ai conscience que c'est un peu plombant comme j'en parle, parce que non, mais très bien. Voilà, c'est des sujets qui sont très lourds, et c'est pas un jeu rigolo du tout. Mais c'est en même temps très divertissant. Les scènes d'action sont vraiment, les séquences d'action sont vraiment très efficaces. Il y a une forme de difficulté qui est très plaisante. On n'est pas sur du Dark Souls, mais c'est vraiment pas du tout, un jeu qui te facilite la tâche. Vraiment, jouer à Senua. D'autant que la suite va sortir très bientôt. Il y a des premières images qui sont sorties. Ça a l'air absolument sublime. Vraiment, New Gameplay, on est vraiment au niveau Unreal Engine. C'est-à-dire, c'est vraiment très beau. Le premier était déjà vraiment très beau, alors qu'il n'est pas tout à fait récent. 2018, j'ai vu, ouais. Voilà, 2018, donc c'est pas l'équivalent d'une ère, mais quasi, hein. Dans le jeu vidéo, 2018, c'est quand même vraiment pas récent. En 6 ans. Enfin, Red Dead Redemption 2 est de 2018, hein. Ouais, mais c'est des exceptions pour moi. On a toujours l'impression que c'est un jeu next-gen, mais en fait, il est ouais, c'est ça, en c'est sortant. Ça. Donc voilà, moi je recommande vraiment ces nuages. C'est vraiment un coup de cœur. Très bien. Ok. Parfait. C'est sur le Game Pass. Trop bien. Bon. C'est sur le Xbox Game Pass. Pardon. Et je crois que c'est aussi, à part ça, sur PS4. Oui, c'est PS5. Un peu. Ouais. Oui, c'est pas une exclue à Microsoft. Non, c'est pas une exclue Microsoft. Ok. Très bien. Eddie ? Alors, moi, du coup, en fait, c'est Adrien qui m'aide à choisir mon... ma minute nerd, parce qu'en fait, j'en avais deux. J'en avais une plus axée gaming et une autre plus axée série. Moi, donc, tu peux garder l'autre pour une prochaine émission. Ouais. Mais en fait, l'autre, t'as pas forcément besoin de trop de pub, parce que ça marche bien, mais c'est que ça m'a bien plu. Donc... Mm-hmm. Je vous le dirai en off, si vous voulez. Oui, je vais le dire comme ça. Non, mais je voulais vous parler de Manor Lord. Mais du coup, vous irez chercher. C'est sur le Game Pass aussi, et c'est très bien. C'est un jeu qui vient de sortir. Ça me donne très envie. Non, moi, j'ai envie de... Comment ? Pardon ? Non, je disais que ça me disait rien, mais vas-y. C'est un jeu de gestion médiévale, gestion stratégie médiévale, et c'est super bien. Manor Lords, si d'accord. Manor Lords, pardon. Ça a l'air incroyable, ouais. Qui est entre, c'est pour faire court, c'est à mi-chemin entre Anno, la série des Anno de chez Ubisoft, je trouve, en termes de gestion. Le et Non, Anno 1404, machin. C'est juste pour la même. Oui, ok, d'accord. C'est l'instant Morgan. Morgan, il aurait fait une blague bien moins fine, je pense. Hein. Oui, préservatif. Rapport ouais, à. Oui, rapport, c'est Et donc, c'est entre c'est à cheval entre la série des Anno et Age of Empires, un petit peu. Mmh, voilà. Très bien. Donc c'est très sympa, c'est très sympa, c'est très joli, ça se fait bien, mais... c'est assez chronophage, donc c'est ce genre de jeu-là, quand il est chronophage en général, c'est qu'il est assez réussi. C'est clair. Donc voilà, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, du coup, j'ai envie de vous parler de Beastars, mm-hmm. qui est une série, je crois que c'est japonais, alors j'ai pas regardé toutes les origines du truc. Beastars, ouais. Ouais. C'est sur Netflix. Ok. Et en gros, c'est adapté d'un manga, et pour le moment, il y a deux saisons, il y en a une troisième qui arrive. Mais ça m'étonne de toi, parce que je sais que tu n'es pas très animation japonaise, donc... Eh ben, pas trop, et finalement, là, c'est la thématique qui m'a plu, mm-hmm. et je me suis dit, bon, tu tentes. Et pour la petite info, il y a longtemps, en fait, que je suis sur cette série, la première fois, c'était... Je m'étais téléchargé les épisodes pour le vol vers Venise, en fait. D'accord, ok. Ouais. Je m'étais dit, voilà, c'est des épisodes qui font 20 minutes, je vais regarder un peu pendant que je serai dans l'avion. Mm. Et j'ai commencé comme ça, et j'avais un peu laissé de côté, j'ai repris, j'y retourne. Là, je suis en train de terminer la saison 2, donc je me suis bien mis dedans. Okay. Et donc c'est une série que je trouve très intéressante. Donc pour contextualiser le truc, c'est une série qui se passe dans un univers avec des animaux anthropomorphes, un peu à la Zootopie en fait, de chez Disney. Bon, c'est beaucoup moins mignon et coloré que Zootopie. Ouais. C'est très bien fait, c'est très joli, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu plus dark, Zootopie. Quoi. Un peu plus dark, voilà. Ouais. C'est et on suit l'histoire de Legoshi, qui est un loup gris, qui est au lycée, et en fait, il est dans le club théâtre du lycée, et il y a un des herbivores, en fait, de son école, que l'on va retrouver à moitié dévoré, en fait, dans l'auditorium du lycée. Donc, toute la première saison tourne sur qui a fait ça, enfin, quel est le carnivore, parce que c'est forcément quelqu'un du club théâtre et quelqu'un du lycée, donc, qui a, en gros, succombé à ses instincts de carnivore et a dévoré un autre élève, quoi. Okay. Et du coup, c'est très intéressant. Et en parallèle de ça, Legoshi, en fait, se retrouve attiré par une lapine qui s'appelle Haru. Mmh. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, Legoshi se pose beaucoup de questions. Il ne sait pas s'il est attiré par cette lapine parce qu'elle lui plaît physiquement ou si c'est parce que c'est son instinct de prédateur qui, en gros, est attiré par une proie, en fait. Ah oui, c'est ce qu'il veut, la graille, ou ce qu'il veut... Exactement. C'est très intéressant parce que ça remet en parallèle beaucoup de choses de notre société à nous, sur le racisme, sur nos appartenances, sur plein de choses. Ça fait très utopie, hein. Vraiment, là, c'est... Ouais, mais beaucoup plus dark. Oui, bien sûr, ouais. Oui, et voilà, donc c'est une série que je vous recommande. Il y a deux saisons, il y en a une troisième qui arrive. En tout cas, c'est sur Netflix dit. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ça. Et en fait, pourquoi Beastars? C'est parce que, en gros, dans le lycée, dans le club théâtre du lycée, c'est, si j'ai bien retenu, le Beastars, en fait, c'est l'élève qui incarne. Qui va incarner le personnage principal de la pièce de théâtre et qui en gros réunit souvent ce sont des herbivores hein, qui deviennent des Beastars, mais en gros dans cette société là c'est des animaux qui incarnent à la fois qui font le pont entre les carnivores et les herbivores et qui incarnent en fait toutes les bonnes valeurs pour que cette société fonctionne. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait il y a vraiment sous le couvert de la bien-pensance et de la bienveillance de chacun où tous ces animaux herbivores et carnivores vivent en, en parfaite harmonie, et ben en fait on se rend compte que les carnivores sont obligés de réfréner leur véritable nature, au risque de poser des problèmes, quoi. Et on les stigmatise. On se rend compte que il y a des choses un petit peu parallèles qui se font. Enfin voilà, c'est vraiment très. J'ai trouvé ça très très bien. Je trouve ça très bien écrit et très très intéressant. Et les personnages sont attachants. Legoshi a beaucoup de questionnements. C'est un personnage auquel on peut vite s'identifier tout de suite. Ouais. Typiquement, je pense à une personne qui se pose des questions sur la. Par exemple, par rapport à, pour contextualiser avec nous, pour faire le lien, je pense à quelqu'un qui se pose des questions s'il a prévu de devenir végétarien parce qu'il se pose des questions sur la souffrance animale ou ce genre de choses. Legoshi, c'est typiquement le genre de personnage vers lequel on s'identifie, quoi. Ok, d'accord. En termes d'éthique, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc je trouve que voilà, c'est très bien fait. Ok. Super. Je vous recommande chaudement. Et en plus, Beastars, ouais. Beastars. Très bien. Et je vois d'ailleurs que le manga qui est en 22 volumes, la publication est finie, donc c'est pas un truc qui va tenir très long. Ah, c'est pas un truc à la One Piece, clairement. Voilà, pas. C'est ça. Ouais, c'est pas un truc trop long, donc c'est cool de savoir ça. Non, et puis bon, clairement, vu le sujet, ils pourront pas faire non plus en 7 ans de saison, quoi. Hein, donc, c'est sûr. Donc non, c'est aussi bien, oui, de se dire que voilà, il y aura une fin à un moment donné. Déjà, voilà. Ouais. Très bien. Et ben moi, du coup, je vais passer en dernier sur ma Minute Nerd. Donc j'ai choisi de parler d'un média jeu vidéo. Donc on reste dans le thème du jeu vidéo, mais pas que. Donc jeu vidéo, mais pas que. C'est leur tagline. Donc c'est Origami, ça s'appelle. C'est un média indépendant qui est financé sur Patreon. Ils ont fait d'abord un Ulule. Et en fait, ça a été lancé par d'anciens de la presse écrite et vidéo. Gotoz, qui était sur Gamekult, Kevin Sicurel, qui était sur No Life, qui fait actuellement le podcast Cozy Corner, dont je parlerai peut-être un jour parce que c'est aussi un truc que j'adore. Héloïse Linossier, qui est journaliste indépendante. Florian Velter, qui était aussi sur Gamekult. Et Sylvain Tastet, qui était aussi sur Gamekult. Donc, il n'y en a aucun de chez jeuxvideo.com. Bizarrement. aucun ancien. Ils ont une ligne édito qui est un peu plus. Qui est un peu plus indépendante, en fait, clairement. Et qui est vraiment cool. Donc, en fait, ça se présente sous la forme de. Ils ont une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Et des podcasts sur Spotify, ailleurs, pardon, je suis matrixé par Spotify, c'est horrible. ça se présente sous la forme de différentes émissions. Il y a leur hebdomadaire, donc où ils parlent tous les dimanches de ce qui s'est passé dans la semaine au niveau du jeu vidéo. Ils ont des tests, etc. C'est une ambiance plutôt chill. C'est des émissions d'à peu près 2 heures. 1h30, 2h, voilà. Donc pour se tenir au courant, c'est plutôt cool. Et vraiment, ils ont. Enfin, moi, je trouve toujours des très bons avis. Excuse-moi, j'ai eu un souci au niveau de mon PC. Ils ont aussi une émission sur le rétro gaming, mais un peu plus en longueur, où ils vont revenir sur des sagas complètes ou des choses comme ça qui s'appellent Super Vieux Jeux. Qui est aussi très intéressante, mais qui est c'est des émissions de 4 heures donc c'est un peu plus long, mais c'est très intéressant si ça vous intéresse, et ils ont toujours des sujets vraiment cool. Ils ont une émission qui s'appelle Wishlist, qui parle de jeux vidéo indépendants, qui est aussi intéressante pour se tenir au courant des choses importantes, des choses qui vont sortir. C'est ça qui se passe dans le monde du jeu vidéo indépendant. Ils ont aussi un regard un peu plus sans être méchant pour les autres, je veux dire, sur jeuxvideo.com, etc. Il y a un point de vue très commercial, très, enfin oui. Voilà, c'est un peu le point de vue gamer basique qui me parle plus pas ou plus trop, et moins d'exigence, quoi. Voilà, il y a pas autant d'exigences que sur un média comme, bah, je pourrais recommander aussi Canard PC, mais c'est très connu, et, ils font aussi des émissions, etc. C'est super bien. Et du coup, Origami, c'est un peu voilà, une nouvelle alternative, un peu plus, où on parle aussi des réalités sociales, en dehors de l'aspect économique, donc tout ce qui est crunch, tout ce qui est voilà, tous les gros. Ben, oui, c'est crunch parce que je crois que j'ai dit crush tout à l'heure. Oui, c'est pas grave, crunch, ouais. le crush n'est peut-être pas la même chose. En fait. Bon, ça revient à peu près. ça te crush. Et les crunch étant des céréales, ouais, donc rien à voir effectivement. Exactement. Et oui, du coup, ils ont un point de vue. Ils parlent beaucoup aussi ben, des là, l'année qui s'est passée, cette année 2023, on va dire, sur le jeu vidéo, c'était une très belle année en termes de sortie, mais il y a eu énormément, un record de licenciements de tous les acteurs. Donc, du coup, ouais, ils en parlent beaucoup. C'est très intéressant aussi, donc ça c'est vraiment cool. Et ils ont une dernière émission qui est vraiment... aussi pourquoi je voulais parler de ce média qui est vraiment super bien, qui s'appelle Internet Explorers, qui s'éloigne un peu du jeu vidéo, qui parle plus de la culture d'Internet et qui est du coup présenté par Héloïse Linossier et Lucie Ronfaux, qui sont du coup Héloïse Linossier est elle fait partie de Origami à la base, donc elle fait partie de l'hebdo, etc. Et Lucie est juste dans cette émission. Et c'est un peu un résumé pour se tenir au courant un peu de ce qui se passe sur Internet en global, mais avec un point de vue assez féminin et en non-mixité choisie. Voilà. et c'est vraiment super intéressant d'avoir des points de vue qu'on n'entend pas trop. Et qui est souvent, et en plus c'est souvent très drôle parce qu'elles sont très drôles. Clairement, c'est le podcast animé par des filles pour montrer que les filles ne jouent pas qu'aux Sims, quoi. C'est ça, mais et aussi qui parle de culture internet en plus global aussi. Ouais, tu vois. Non, mais donc, c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est vraiment cool. Les filles qui jouent, on les enferme vraiment dans une cage. Justement, ouais. En général. Ouais, ouais. Alors que non, il y a des filles qui je pense sont des gameuses hardcore de chez hardcore. Ah oui, totalement. Enfin, maintenant il y a plus de. Enfin, c'est non, vrai qu'il n'y a pas de distinction. Ça a été imposé. Il suffit d'aller sur quelques forums pour s'en rendre compte. Ah oui, oui. Encore des. C'est, oui, malheureusement, effectivement. Donc voilà, cette émission, je vous la conseille vraiment si vous êtes un peu perdu sur ce qui se passe au niveau internet, même. Bah, ça parle de toutes les nouvelles tendances, entre guillemets, en bien et en mal. Hein, vraiment, ça permet de faire découvrir des choses superbes dont on n'avait pas idée. Et ils reviennent souvent aussi sur l'histoire un peu d'Internet, des petits moments historiques dans la création d'Internet ou dans ce qui s'est passé sur Internet. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment ce média. Il y a plein de choses à voir déjà. Ça a commencé en octobre 2023 et la chaîne YouTube est déjà bien remplie. Donc, si vous voulez rattraper un petit peu, il y a de quoi faire. Voilà. Je vous conseille Origami, du coup, sur YouTube, sur Twitch ou en podcast, un peu partout. Voilà. Très bien. Donc, on a fini cette émission. On est bon. On est à peu près dans les 1h50. On a fini l'émission, on n'est pas fâché, donc tout va bien. Bon, ça s'est bien passé. C'était pas prévu. Hein. T'as le seum, ah ouais. Mais j'ai chaud. Ah ouais, c'est un peu ce qui te définit, malheureusement. non, je rigole. Déjà, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment cool de la faire avec vous. C'était cool de reprendre les podcasts un peu. On espère pouvoir recommencer de façon un peu plus régulière. J'ai déjà dit ça dans les 15 dernières émissions, mais bon, on va essayer. On arrête de le dire, je pense. On va essayer. Ouais, non, mais faudrait qu'on arrête de le dire aussi. Mais non, mais ce serait. Voilà, on va essayer. Merci aux auditeurs également, aux auditeurs, aux auditrices d'avoir écouté. On espère que l'émission vous a plu, que c'était intéressant de votre point de vue. On serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Il y a, il me semble, donc évidemment, je vais parler encore de, malheureusement de Spotify parce que c'est là où j'écoute mes podcasts. Ils ont rajouté une rubrique commentaires. Donc si vous voulez rajouter des petits commentaires sur, sur le podcast, n'hésitez pas. Lâchez des coms. Voilà, lâchez des coms. Mais évidemment, on est aussi présent. Sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast aussi un peu plus indépendantes. Je vais rappeler un peu toutes les informations habituelles. Le site web moviesandnerds.net. Pour l'instant, il n'y a que les podcasts. On verra. voilà. Pour l'instant, il y a les podcasts. On verra s'il y a d'autres choses dans l'année. Moi, pour l'instant, comme des critiques, voilà, peut-être. Voilà. Si je m'y remets un jour. Voilà. Après, il n'y a aucune obligation, évidemment. Et puis, de toute façon. Et puis, j'ai pas quitté. La motivation. Mieux vaut ne pas écrire que d'écrire des choses pas intéressantes. C'est. Voilà. Donc. Vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes et les critiques précédentes aussi. D'ailleurs, j'avais fait une critique sur Tomorrowland, je crois aussi, Eddie, sur Movies Nerd, je sais plus. En tout cas, je crois qu'on en avait fait tous les deux, Si jamais. Alors, à la poursuite de demain, en fait, en français. Ouais. Qui est un chiffre, qui est un titre dégueulasse. Pas terrible, terrible. Et d'ailleurs, quand vous tapez Tomorrowland sur Google, vous allez tomber sur le festival électro. C'est pour ça, et ça n'a absolument rien coup, à voir. Bon, malheureusement, c'était prévu pour l'échec, donc bon, voilà. Spectre, il me semble que Morgan en avait parlé dans l'émission Movies Nerd où c'était sorti, donc en 2015, il me semble, hein, c'est ça qui s'est sorti. Oui, 2015. Ouais. C'est marrant, on a choisi deux films de 2015. Effectivement, il y a ta critique, Axel. Ouais. Donc voilà. Jurassic Park, on vous conseille de réécouter le hors-série Jurassic Park. Peut-être qu'on disait des choses pas si nulles. On ne garantit pas que ça soit notre meilleur podcast, parce que ça faisait un an que j'avais rejoint la chaîne, et je pense qu'on n'avait pas encore trouvé tout à fait... Ouais, c'était en période de rodage, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas à l'abri de contenir 2-3 trucs intéressants, donc pourquoi pas. Clairement pas. Voilà. pour les réseaux sociaux, on est sur Instagram, sur Twitter. C'est movies_nerd sur X, Twitter. movies_nerd_officiel sur Instagram et maintenant TikTok. Voilà. On met des petits shorts, enfin j'en ai mis qu'un pour l'instant, un extrait de l'émission précédente, il y aura un extrait de cette émission sûrement, il faudra que je choisisse lequel, du coup pour moi, pour me retrouver, retrouvez-moi où je suis, voilà, parce que là je suis plus du tout trop sur les réseaux, et les seuls réseaux sur lesquels je publie, je suis en privé, donc voilà, c'est pas très intéressant. Adrien, est-ce que tu aurais des choses à nous partager? Ou est-ce qu'on pourrait te retrouver? Pareil, si à un moment je me remets à écrire, je vous disais là en off que j'étais en train d'écrire un truc sur Les Autres d'Amenabar, mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais me motiverai pour le terminer. Ouais. Donc si un jour je me remets à écrire, ce sera sur Movies Nerd. Ouais. Et sinon, si vous voulez... me suivre sur Twitter, je parle pas nécessairement que de cinéma, et c'est pas de l'analyse très fine, hein, c'est juste de temps en temps je donne un avis sur les films que je regarde, c'est @ParkerMitty. Très bien. Peter Parker et Walter Mitty. Parfait. Et si on veut t'écouter sur les autres, il y a le dernier podcast Movies Nerd, le 59, où tu en parlais, au cas où. Absolument. Voilà. Eddie. Je sais plus quoi vous dire, mais arrivé à ce point-là... si t'as rien, c'est pas grave, hein, tu peux juste dire sur mon... En fait, je ne suis plus vraiment actif où que ce soit. Ok. Si à la limite sur Sens Critique, quoi, parce que je continue, en fait. Alors, je ne fais plus forcément critique. Tu notes les films. Sauf sur les trucs qui vraiment me marquent. Mais je... En fait, voilà. Par contre, je continue de tenir à jour mes notes. Ouais, ça, j'ai... Et je tiens ma liste en fait de films vus à jour aussi. Ça c'est aussi. Donc je dirais Sens Critique. Clairement, c'est le plus intéressant parce que très bien. X, j'y vais jamais. J'y vais jamais. Et puis après, non, il n'y a pas vraiment d'autres réseaux après. Ok, très bien. C'est Eastark sur Istar, bien sûr. Sur oui, voilà. Ça n'a pas changé. Voilà, voilà. Et j'ai d'ailleurs appris ce que voulait dire Stark en anglais il y a pas longtemps, et je me suis dit, t'as bien choisi ton. J'ai un trou de mémoire. T'as bien choisi ton. Rigide, ça veut dire. Ok. Ah bon. Ouais. Je me suis dit, bon, ouais, ouais, écoute. Stark sur rigide. X, c'est rentré. Ouais, c'est clair. Exactement. Très bien. Bah écoutez, merci encore d'avoir écouté cette émission. Et puis on vous dit à la prochaine. Bye. Salut.